Et du coup, Bah ouais, ça te bah fait c'est pas ça ça. toi? Une espèce de Non. petite douleur intracolale? Lombalgienne. Ah tu lui dis, ah tu, oh monsieur est scientifique. Bah bien sûr. Ah j'aurais jamais cru. Bah écoute, j'ai déjà été opéré, moi. Des lombarges? Ah non. D'accord. Ouais. Ah, Des corps aux pieds. des parois caverneuses. C'est ça. Des spongieuses plutôt. Ah, ok. Très bien. Est-ce qu'on n'irait-y pas? Eh, c'est une bonne intro Ça ça sera... quand même. Je sais pas. Ah. Je sais pas du tout. Ah, parler de Eh parois bien, spongieuses et corps attends, caverneux. attends. Kling. Kling klung. Klung. Voilà. À la bonne vôtre. Attends, t'es sûr que c'est le Quoi? son que ça doit faire? Je pas. Bah attends, je vérifie alors, parce que c'est vrai que t'as raison, faut être précis. Hein. Non mais si c'est pas ce que t'as marqué, on refait. Hein. On refait. J'ai mis quoi? Kling Kling klung. klung, bah c'est bon. Enfin, un bruit de bière qui se rejoignent et Ah s'entrechoquent, bah alors mais bah. dans la bonne humeur. Faisons. Et on Ouais. n'a pas fait. Hey, Kling et Klung. Ouais. Putain, trop bien. Ah, ça, c'est de la bonne humeur. C'est vrai. Et nous voici donc réunis plein d'entrain, de joie Et de. et de désespoir Non, pour. pas Mais si. forcément. Oui, un peu quand même. Pour l'épisode, un peu quand même, Ouais, bien. bah oui. Ah, bah là, oui, plein de Voilà, désespoir. beaucoup de désespoir. Pour cet épisode 27 de la saison 2, Oui, déjà. ou seulement, moi j'étais en Bon, mode. on pourrait trancher à la rigueur. C'est C'est-à-dire? genre, bah, on fait plusieurs saisons. Du coup, Dans la on a saison 2? 30 épisodes, Genre, donc, on arrête. enfin. Non, on arrête la saison 2 là, et on la commence la Oui, ou saison alors, prochaine. au 10e épisode, on fait que c'est la saison 2. Ouais. Du 10e au 20e, c'est la saison 3. Tu sais, Ouais. comme ça, on est tranquille après. Ça nous laisse 3 ans de vacances. Non, ça marche pas comme ça. Ah, ça marche pas comme Mais ça? non, parce qu'en fait, on parlera des groupes qui sont passés déjà. Ah, Il merde. y aura un petit Ah ouais, décalage. donc non, il y Et aura erreur. quoique les gens le verraient peut-être pas, si on fait pas. C'est ça. C'est l'idée. Eh, tout à fait. Bob, as-tu passé une bonne semaine? Ah, écoute, c'était trop waouh. Enfin, on parle de semaine, mais comptons-nous plutôt les jours. C'est ça. Ça fait 5 jours à peine. C'est ça. Donc du coup, Ah bah du coup, non, en fait. Ah non. Non, parce que je prévoyais demain passer une bonne journée Ouais. pour équilibrer un peu le tout. Et puis en D'accord. fait, non. Est-ce que tous nos auditeurs et fans de ce podcast Zé auditrice. et auditrices, oui, bah je vous. Non, excusez-moi, c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre tout au masculin, ce sont des vieux Ouais. réflexes. Et la condition de la femme dans tout ça. Je suis désolé, je m'excuse, Merde. la femme. Je m'excuse. Donc, pour toutes nos auditrices et nos auditeurs, s'inquiètent de ne plus voir tes publications, à part de ce soir, leur retour, enfin ton retour, les a Bonsoir. mis en Bonsoir à joie. tous. Qu'est-ce que s'est-il passé? Ah bah parce que j'avais plus d'internet. Ah bon? Voilà. Ah mince! Donc plus d'internet pour vous envoyer à tous mes publications par papier, c'est pas évident, j'ai pas vos adresses. C'est vrai. Donc du coup, je pourrais le faire par courrier. Oui, Ce mais serait plus laborieux. plus, ouais, puis Voilà. ça décalerait un peu au Et niveau puis des je serais temps de. obligé de vous faire une cassette de tous les morceaux Oh, c'est que. stylé, une compile! Ouais. Oh non, c'est classe! En plus, tu sais, tu mettrais Un stylo avec. RTH, S02 et E27. Ouais. Oh, c'est classe! Avec un stylo pour Rowinder, pour Oh! FFWD. Ah ouais, non, c'est top! Ouais, ce serait Ah bah, classe, moi, je hein. veux ça, merci! Ouais, bah je te ferai ça. Ah bah, c'est gentil! Cool! J'ai vu une cassette de Metallica chez notre disquaire. Oui, bah oui, le garage D. C'est possible. Ouais, bah, oui, bien sûr. Ouais. C'est la seule d'ailleurs. Bah, c'était fait exprès, en fait, c'est pour le petit, comme c'est le. Ils ressortent une. En fait, le garage D, c'était une compilation de reprises Ouais, qu'ils avaient d'accord. sorti à l'époque. Et en fait, ils la ressortent dans le remastered. Et donc, comme c'est un truc de l'époque, ils. Forcément en cassette. Voilà. Cool. C'est stylé, hein? Merci pour ces explications. Quelques petites précisions. Et donc, tu as donc, malgré tout, passé 5 jours Ah bah potentiellement. j'étais perdu, je me cognais dans les murs. Non, j'étais. Bah oui, parce que sans ton GPS de ton. Enfin, sans ton. Bah c'est exactement ça, Ah j'étais ouais. complètement largué. C'est ça. Voilà, donc bah. Non, j'étais pas bien, vraiment. D'ailleurs, pour la petite histoire, le GPS fonctionne toujours, même quand tu n'as plus de connexion Internet, sauf que tu n'as plus les cartes. Voilà, c'est ça. Donc tu as juste un trait sur des carrés. Voilà. Et c'est ce qui nous arrivait quand nous avons été à Amsterdam. Donc pendant un moment, on n'avait plus de connexion au changement du pays. Super. Donc du coup, on avait vraiment le GPS qui était en mode. Démerde-toi, mon con. Bah non, Voilà. mais ils disaient d'aller tout droit, Mais ça se mais. trouve, les mecs, ils les dessinent au fur et à mesure. Je Ça se trouve, pense, c'était ils une avaient pas feuille le à temps, on était quatre, trop tu vois. vite. C'était une feuille à quatre et le C'est mec, il avait ça. son siège. Putain, merde, attends, ils sont où? Je sais plus où ils sont. Ouais, Voilà. on a été trop vite. Bah ouais, faut dire qu'on torche, nous. Hein. Bah, c'est ça. Tu sais, la Clio, dans les descentes. Ah oui, t'étais en Clio en plus? Bah Oh non. la vache, On a pris putain. l'autre voiture. T'es un déglingo. Mais je suis un fou. Ouais. Voilà, donc ça, c'était la bonne semaine. Très ouais, bien. Mais t'as pas raconté la tienne. Bah, tu m'as pas proposé en même temps. Ah, alors je vais t'es proposer. Toujours orienté sur toi. Je te propose. Ouais, non, je m'appelle Bob, j'ai formé un parti politique, l'égocentrisme. Et je m'appelle Jack, je suis parti politique du connardisme. Qui te l'a dit? C'était secret. Parce que je fais partie des tailleurs de pierre, mec. C'était ça, le... Et on sait tout. C'est les tailleurs de pierre. Ouais, ou les francs-maçons. Ah oui, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Raconte-nous ta belle semaine. Écoute, j'ai pas fait grand-chose, à part samedi, hein, j'ai pas arrêté, hein, je te l'ai dit. Ouais, tu me l'as dit. Ouais. J'ai mangé de la saucisse en ville, tout ça. Ouais, ça intéresse cool. Tout le monde, c'est avec super. Des frites. Oui. Qui colle. Non, c'était bon. Ah oui. Et j'ai pris moutarde. Voilà, parce que tu me demandes. Ouais, normal, moi pareil. J'ai pas été au cinéma. J'ai pas vu de film. Dimanche, t'as pas été au cinéma. Non. Putain. Alors qu'il y a Solo qui est sorti quand même. Bah oui, quand même. Mais j'ai entendu pas mal de critiques qui au final disaient moi, c'est moins pire que ce qui était annoncé. Donc ça me fait peur. Ah merde. Ouais, voilà. Donc non, faut éviter. Par contre, aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui même, au lieu un peu de faire un peu le taf du podcast, parce que ce soir, c'est un peu moi le mouton. Oh, dis pas ça. Bah, je sais un peu, tu vois. Enfin, on en parle. Bah, j'ai regardé le premier épisode de la saison 2 de Westworld, qui était pour moi la meilleure série de tout 2017. Donc, j'étais un petit peu impatient, parce que la série a déjà recommencé depuis un mois et demi, deux mois. Mm-hmm. Et comme j'avais un petit peu stoppé mes petits téléchargements. Donc voilà, donc j'ai regardé le premier épisode et ça annonce deux, trois trucs pas mal. Je suis un petit peu inquiet, mais je garde espoir. D'accord. Voilà. Ok. Bon, à savoir. Ouais, j'y crois. Bah, tu nous diras tout ça. Non ouais. Sinon, j'ai trouvé plein d'étoiles dans Mario Odyssey, mais c'était pas... Cool. Voilà, c'est pas... Ah, j'ai tué Jacob Seed, moi. Si ah oui, mais c'était... Non, c'était la semaine dernière. Ah bah oui, voilà. J'étais là. Ouais. Et puis sinon, ouais, je suis en train de choper une compilation de Street Fighter pour te mettre ta misère. Oui, bon, écoute... faudrait que je rattrape des années et des années de lacunes à ce sujet. Ça marche pas comme ça, mec. Ah ouais ? Non. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du Hellfest parce que c'est un podcast sur le Hellfest. Quand on vous a dit qu'il y avait de la bonne humeur dans ce podcast. Il y a de l'ambiance. Hein. Merci à tous. Ah, quel public ! Vraiment, vous êtes. Les mieux. Donc on commence par les quelques... Quoi ? C'est comme ça que tu qualifies ton public, c'est les mieux. Bah, tu dirais quoi toi ? Oh, je sais pas, vous êtes les meilleurs. Mais non. Ouais. Faut leur parler eux-mêmes, tu dis ouais, c'est toi le mieux, le mec. Ils sont ah ouais, concernés, okay. Tu vois. Putain. Tu vois, faut... Hey, il m'a regardé. Exactement. Voilà. Donc cette semaine, quelques news liées de près. Ou de près. Au Hellfest. On va y aller un petit peu dans le désordre et comme on n'a pas trop bien bossé, il y a eu un problème de communication cette semaine. Ouais, bon, au sein du monde. Voilà, et du coup, bah, ça a un petit peu ricoché sur nous. Totalement. Donc je l'ai fait un petit peu dans le désordre, hein, d'accord. La news est sortie le 23 mai dernier. Le booklet, donc celui qui était disponible dans le Rock Hard, donc avec le programme, mais pas le programme mis à jour. Quoique, j'ai pas été voir si en version numérique il l'avait mis à jour. Mmh. Ah, intéressant. J'ai pas du tout. Abonné. En tout cas, ils ont été. Il est disponible en version numérique sous format PDF qu'on peut télécharger et ainsi avoir partout sur soi. Voilà. Tel nos petits. Condition d'avoir une agrafeuse. Non. Ou un smartphone. Ah bah oui. Du coup. Ouais. Parce que tu peux, en fait, tu vois. Tu le gardes sur toi dans ton smartphone. C'est ça. Alors, attends que je regarde vite fait s'il y a des mises à jour. Je t'aurais bien dit de meubler, mais... Non, j'ai pas envie. Non, je te comprends, ne fais pas ça. Parce que là, du coup, les roues casseries... Ouais, on a déjà abandonné. Donné... Hein. Ah bah, écoute. Alors, dis-nous tout. Eh ben, ils sont censés passer quand, les Zwinkels ? Ça, je ne sais pas. Ils sont censés remplacer. Tiens, vas-y, meuble. Ah, ouais. Ah, bah si, il a été mis à jour, il y a les Zwinkels marqués. Ah, bah voilà. Voilà, donc. Alors qu'il ne l'est pas dans le guide hein, de Rockard. Bah non, non, c'était pas prévu. Bah non. Non. Et oui. Non, il a été mis à jour, donc apparemment. Voilà. Bon, après, il suffit de mettre un petit post-it. Bah, où tu t'imprimes la page au bon format, tu la redécoupes. tu la colles sur l'autre. Et puis ni vu ni connu, quoi. Ouais. Voilà, moi, tu l'agrafes. Ouais, ou tu l'agrafes. Parce que des fois, une agrafe, c'est pas trop bien mis. Tu peux te blesser. Te blesser, ouais. Et du coup, si t'as pas les bons vaccins... Tu chopes le tétanos. Bah ouais, parce qu'il suffit qu'une agrafe... Tu regardes depuis combien de temps? Il n'y a pas de date de validité sur une agrafe. Donc, c'est vrai. Donc on fait pas gaffe. Il n'y a pas de DLC, carrément. Ah bah, je crois pas. Puis en plus, comme ils veulent déjà les retirer sur la bouffe, t'imagines, sur les agrafes. Les agrafes, ils veulent les retirer de la bouffe. Ouais, aussi. Putain, les cons. Bah non, mais il n'y a plus rien qui va. Hein. Ah, la vache. T'as vu, il y a des gens, ils vont sauver des enfants en escalade. Ouais, bah ouais. Pff, c'est n'importe quoi. C'est des ouf. C'est une société qui va à volo. Et complètement. Bon, qu'est-ce que... Oui, donc, le bouclet est en version numérique. Vous pouvez tous le prendre via le site du Hellfest. On vous le conseille parce qu'il est trop bien. Ouais, carrément. Voilà. Moi, personnellement, je ne l'ai pas pris, mais il est trop bien. Mais parce que, voilà, parce que tu savais qu'il était trop bien et que tu ne voulais pas... Voilà. Tu fais une autre news ? D'accord, pourquoi pas. Bah tiens, je vais faire la suivante. D'accord. La marque. C'est pas du tout celle-là. C'est pas la suivante. Pas du tout celle-là. Eh ben, je vais faire la de la suivante. Vas-y, vas-y. Non, mais on a dit que c'était le dernier. Ah ben, hein, donc alors, on va se tenir à ce qu'on dit. Exactement. Hein, pas de promesses en l'air. Non, non, non. Ah, on a... Hey, personne pourra nous reprocher qu'on vous ait promis quoi que ce soit dans ce podcast. Ah non, non, voilà. Hein, bon. Alors, donc, je disais, donc, Oh la vache, ah, ça a été un bon tour cette semaine. Non. La marque Blacklader poursuit son partenariat avec le Hellfest et propose... une marque de frusque ou de fringue. Ah, moi je sais pas, moi comme tu l'as noté. Moi j'ai pas mal écrit. Donc Blacklader, c'est une marque suédoise, je crois, c'est ça ? Sûrement. Si ils mettent pas. Donc voilà, ils proposent une chemise, une casquette, t-shirt, il y a un vêtement de pluie et tout est estampillé Hellfest. Ça a de la gueule, il y a un kilt aussi à 96€. Mais d'ailleurs, c'est. Qu'a de la gueule. Je crois qu'on pouvait apercevoir une des pubs justement dans le guide, je suis pas sûr. Ah, c'est fort possible. Parce que j'avais vu le... Ah ouais, regarde là, on pouvait le voir. Ah oui, d'accord, c'est ça. Avec le monsieur qui a les cheveux en l'air et qui fait des hands-up. Des hands-up. Donc c'est vraiment un kit édition spéciale Hellfest qui est pas forcément donné. Enfin, le t-shirt est marqué 20€ là, c'est le cas Eh ben, je vais te dire ça. Insensé et un, d'accord. 31 le machin, nanana. Le t-shirt femme est à 16,60 hors taxe et le t-shirt homme est à 16,60 hors taxe. Ouais, donc ça doit faire du 20 euros. Du 20 balles, ouais. Et il y a une chemise à 42, un kit à 96€ quand même, et même la casquette était un peu chère. Dans... Oh bah 12,50 hors taxe. Ah, ah bon, ça fait. Ça la met à 15 balles, un truc bon, comme ça. Bon, ça va, ça va. La casquette, ça va. Par contre, le kit, autant il a l'air classe quand on aime les kits. Autant, voilà, 85 euros. Moi, cette année, j'ai cherché, justement. Tu voulais mettre un kit ? Bah ouais. D'accord. Et du coup, c'est ultra rouge que j'ai été voir sur OMP. Ouais. Et déjà, ils en ont plus. Ils en avaient plus quand j'avais été voir. On en apprend tous les jours sur ces amis. Hein. Bah quoi ? Bah, t'as vu la chaleur qu'il fait, là ? C'est vrai. Hein ? Et je pense que parcimonie, elle peut te prêter une jupe ou deux, hein. Bagarre, hein. Je m'en regarde pas comme ça. Hein. Ah non, mais je m'en branle. Ah, mais moi je direct. Totalement. Hein. Vas-y, bah, vas-y, prends la bière. J'assume. Sur la table. Non, je vais péter une plaine. Ça fait moins mal. Il y a moins de sang. Voilà, d'accord. Et en plus de ce partenariat, il y avait aussi une petite interview de Johan Lenevé. Tout à fait. Où il revient quand même assez régulièrement sur la bière. La bière. Le plaisir d'en boire, le plaisir d'en consommer, le plaisir d'en partager. Parce qu'en fait, il précise bien à quel point c'est important l'identité visuelle du site et tout, mais qu'il n'oublie pas à quel point la bière aussi est importante. Voilà, c'est ça. Donc, Surtout la bière, hein, parce voir, moi, de ce que j'ai lu de l'interview, à la fin, je pensais vraiment que le mec était brasseur. Quoi. Ouais, donc il a pensé ça, il me dit, mais c'est Blacklader, là, c'est de la bière. Non, je ne pense pas. Non, non. Et du coup, tu as pu noter une petite... Une petite erreur. Une petite... Comment on appelle ça ? Une petite... Alors, je voulais dire une petite pépite, mais c'est pas le mot. Une coquille ! Une coquille. C'est une coquille, exact. Le mot. Comme ce que tu ferais bien de mettre sous ton kit pour pas avoir de problème. Bon, écoute, après... De toute façon, j'en ai pas. C'est vrai. Mais je vais couper mon short là, puis je vais réunir les deux parties, comme ça, ça va me faire un kilt. Et je te merde. Non, mais oh. Je pour qui ça se prend ? Alors, donc, C'est à la fin, dans Qu'est-ce que le Hellfest ? C'est quoi le Hellfest, pardon ? Moi, j'avais pas lu parce que... Voilà, Parce que bah, déjà, tu sais pas lire. Le Hellfest est un festival français devenu une arène légendaire de musique extrême populairement appelée heavy metal. Un grand nombre d'artistes ont déjà été présents. À noter, Metallica, Motorhead, Deep Purple, Iggy and the Stooges, Slayer, Judas Priest, In Flames, etc. Alors, bon, sur la majorité, ils ont bon. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Je dirais qu'à 95%, c'est pas mal. C'est pas mal. On est dedans. Mais le premier, en plus, il est noté en premier. Hein, c'est le premier, je ne comprends pas pourquoi. Ah, ouais. Mais c'est après, pour les gens qui ne connaissent pas le Hellfest, peut-être. Si tu veux aller plus loin, t'as qu'à dire ça. À un moment donné, ils disent on annonce quelque chose d'exceptionnel pour cette année. Bah, ouais. C'est Metallica. Ah ben voilà. Voilà. C'est ça. Alors, il n'y a pas du tout de place où les mettre, mais. Non. Voilà. Le lundi, peut-être. Donc, on annonce, hein, attention, spoiler. Voilà. Il y aura Metallica au Hellfest cette année. Ah bah. Voilà. Moi, je vois que ça comme explication. Bah, c'est ça, parce qu'apparemment, il y a Metallica qui est passé au Hellfest ou qui passera par ici et ne repassera pas. C'est dans ce cas-là, tu fais carrément le Hellfest, qu'est-ce que c'est ? Puis tu dis tous les groupes, les plus grands groupes, même ceux qui ne sont pas venus, tu dis bah. Bah, c'est ça. Tu piffes, voilà. Voilà. Mais sinon, voilà, interview sinon intéressante sur tout ce qu'apparemment, enfin, comme je le disais il y a deux minutes, ils vont vraiment apparemment essayer de marquer le coup cette année. Il y aura quelque chose de particulier. Voilà. Alors, c'est pareil, j'ai vu, ils ont balancé le plan. Je sais pas si tu as vu ça le plan. News. Alors, il y a plein de commentaires comme quoi apparemment ils auraient pavé la main stage 1 et 2. Pavé. Aïe. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas, parce que moi j'ai rien vu de ça. Bah, c'est pas marqué sur le truc dans les petites légendes. Pavé, c'est numéro 3 par exemple, tu vois, juste devant les main stage, numéro 3, pavé. C'est pas... Bah, ça serait un peu con. Bah oui, c'est pour ça. Mais il y a plein de commentaires, j'ai halluciné. Quoi. J'ai pavé, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur pavé, quoi. Et je sais que notre ami Julien est venu me voir et m'a dit qu'il y avait un post apparemment de spoiler de toutes les nouveautés qui étaient déjà sorties sur le groupe. Et il était là, en plus il me disait tu veux que je te dise ce qu'il y a? Je lui ai dit non, me dis pas. Et en fait donc ça a été bloqué, ça a dû être bloqué direct. Ouais. Mais il y a déjà 2-3 annonces de fait de ce qu'il y aura, donc moi j'ai voulu garder le mystère et la surprise. Ah bah pareil, il faut quand même dire un peu de mystère après le surprise. Le pavé, je vois pas. Moi, ça me paraît bizarre. Non, alors, ça se trouve, les gens n'ont pas compris, c'est qu'il y a des mecs, ils ont mis des pavés, mais tu sais, provisoires, pour se déplacer plus facilement que dans l'herbe et tout massacrer. Bah oui, comme pour monter les mains. Voilà, comme il y a dans les stades, comme il y a les stades de France, en fait, vois, le genre de truc-là. Ouais. Parce que bon, bref. Ou c'est peut-être sur le dessin, parce que c'est vrai que j'ai regardé, je me suis dit, c'est complètement con, mais sur le dessin, t'as un truc devant le main stage, ouais. T'as l'impression que c'est gris, tu vois, comme si c'était... Mais je sais pas, j'ai pas trop compris. Oui, bah c'est peut-être la place des structures et tout, pour les écrans. Je sais pas, j'ai pas compris, mais c'est vrai que j'ai vu énormément de commentaires sur le... Ouais. Bah, mais apparemment, il y a des fuites. Ah merde. Ouais. Du coup, ils vont réparer ça. Bah j'espère, parce que c'est quand même pour... Dans 25 jours, on a exact, oublié... c'est on ça, a on a vu le... Alors, tout ouais. À l'heure. Hein. Une grosse news de ce côté-là, ils ont bien assisté, c'est dans 25 jours. Voilà. Donc ça vient de tomber. Ouais, là, tout de suite, 25 jours. Et dépêche. On peut aussi vous annoncer que c'est dans 3 épisodes de podcast. Ah ah. Et dans combien de dodo? Ça dépend. C'est pas comme ça que ça marche. Ah si, mais ils comptent le jeudi ou ils doivent compter le vendredi. Ouais. Donc bah, ça doit être dans 25, 24. Ah non, dodo. Peut-être le jeudi, parce que l'enfer ouvre ses portes, je pense qu'ils comptent le jeudi, quoi. Je veux dire, ils ouvrent le jeudi, donc du coup. Ouah, grosso modo, 23-24 dodo. Ouais. C'est cool, hein? Ouais. Et on vous le dit pas, parce qu'on n'aime pas vous mettre l'eau à la bouche, mais pendant notre absence, il y aura peut-être rien. Certainement rien, même. Bah oui. A priori. Sauf si on sera absent d'où? Ouais, mais vu qu'on aurait pu faire. Parce que je trouverais ça intéressant d'être là dans la chaufferie pendant que le Hellfest va faire un podcast sur le Hellfest. Pendant qu'ils sont là-bas. Bah, il faudra un envoyé spécial quand même dans ce cas-là. C'est quelqu'un qui On peut envoyer Joe. Bah, enfin, Joe, il y va. Ah merde, il y va. Eh ben, on demande à Joe. Non, mais il a quitté le podcast. On ne quitte pas le navire comme ça. Hein. Bah, on demanderait à qui, alors? On peut demander à Nico, il y sera aussi. Hein. Ouais. Sauf que Nico, il a déjà beaucoup de podcasts. Bah, c'est ça, il a déjà un taf, quoi. Il va peut-être un petit peu en plus... Il serait bien capable de nous piquer notre audience avec ça. Ouais, c'est clair. C'est les mecs de Rouen, hein, le Rouennais est poli, tout ça. C'est ça. On les connaît, nous. Hein. Ouais. On vous laisse pogoter avec nous 2 secondes et après, derrière, on vous met des coups de couteau. Hein. C'est ça. Bah, tu nous auras pas comme ça, Nico. On a vu dans clair dans ton jeu. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu faire quelque chose pendant notre absence. Enfin, ou l'absence des gens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, je sais pas, un truc qu'on aurait mis. Tu vois, je sais pas, moi. On y réfléchit, puis on en reparle. Là-bas? On ouais. Parlera... Là-bas, à Clisson? Tu vas à Clisson, toi? Bah, je sais pas. Bah. Putain, ça devient confus, tout ça. Moi, je sais plus ce que je dois faire, moi. Bah, écoute, le mieux, c'est que tu fais comme d'hab. Je ferme ma gueule. Voilà. J'avais dit que t'étais un connard. Mais c'est toi qui... Oh, ça y est. C'est toi. Alors, tu dis les mots et c'est moi le... D'accord, bon. Journal de bord. Oh. C'est une nouvelle maison que je vais vous narrer incessamment sous peu. Adossé. À savoir que le prix Hellfest Inferno 2018 a enfin été décerné après moult temps. C'est Anthony Ryan pour son livre Le sang du dragon, oh, un titre assez évocateur, ouais. Qui a donc reçu le prix de l'année 2018. Donc ça bravo fait quand Anthony. Même, ça doit faire 2-3 ans que le prix existe et que c'est une association avec l'éditeur français Bragelonne, ou Bragelonne, je ne sais pas comment il prononce. Mmh. C'est des Bretons, c'est donc. Ah oui, d'accord. Va savoir comment il prononce ces trucs-là. Non mais. Quoi oh là. Non mais. Je sais. Tu sais comment ils prononcent les trucs, toi? Bah non, mais bon, t'as après, pas besoin de dire ça comme ça. Je suis même pas sûr qu'ils soient bretons. D'accord. Donc, comme les années précédentes, le livre sera disponible sur l'Extreme Market, sur le Hell City Square, et pendant la durée du festival. Parce qu'il y a un petit stand, je me souviens, je l'ai vu l'année dernière. Donc, il y a un petit résumé que je vais laisser Bob lire, parce que ça me fait rire. T'as pas lu ça? Quoi? Bragelonne va également publier en dessous. Il va également publier, toujours en partenariat avec le Hellfest, un livre traitant de l'influence du mythe de Cthulhu sur la scène métal. Voilà, c'est ça. Bon, vas-y, bah maintenant lis le résumé de Dragon Blood. C'est quoi, à travers les vastes territoires contrôlés par les syndicats négociants d'Arfer. Non, tu fais pas n'importe quoi. Rien tu n'est plus prisé que le sang des dragons. Quoi? Mais non, mais tu lis n'importe comment, là. Ah, d'accord. Tu lis comme j'écris mes news. Fais un effort. Mal, c'est-à-dire. Mal. bah, vas-y, tiens. Ok. Bah non, on va voir comment tu nous fais ça, puis je prendrai des notes, et puis la prochaine fois... Pour l'année prochaine. Pour le prochain Inferno. À travers les vastes territoires contrôlés par le syndicat négociant d'Archefer, ah, d'accord, ouais, je comprends. Rien n'est plus prisé que le sang des dracs, donnant d'immenses pouvoirs à de rares élus. Mais les lignées de Drac s'affaiblissent et l'équilibre du monde est menacé. On raconte que seuls les pouvoirs du Drac Argent, plus puissants que tous les autres, pourraient le rétablir. Afin de débusquer cette créature légendaire, le protectorat enrôle Cledon Torkrik, un voleur aux facultés secrètes. Pour sa mission en territoire ennemi, il recevra l'aide d'une vénéneuse espionne et d'un intrépide officier lors d'un tumultueux périple aux confins des mers. Tous trois devront lutter contre le déclin de l'Empire ou disparaître avec lui. Eh bien, Anthony Ryan, je ne lirai pas ton livre. Parce que je suis pas trop emballé par ce que j'ai lu. Après, t'es pas convaincu? Je sais pas, non. Non. Et toi? Bah, je lis plus, moi, donc je vais attendre que les enfants soient grands pour lire. Parce que je lis 3 pages et je m'endors. Donc, D'accord, oui. J'arrive pas à suivre une histoire, en fait. C'est un gros souci. Oui, si c'était que celui-là. Tu fais la news? Mais je t'emmerde! Mais quoi? Mais t'as un problème ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, c'est toi qui as un problème. Bon, bah. Alors. Donc, je vais partir sur l'interview de Black Rainbows. Parfait. En plus, c'est toi qui avais chroniqué le groupe. C'est vrai? Oui, dans mon souvenir. Ah bah, je sais pas, je m'en rappelle pas. Black Rainbow qui doit jouer en début de journée. Parce ouais, que... je crois que c'est le premier groupe de la vallée, non? Voilà. Du samedi alors. Exactement, ouais. Samedi, il passe à 10h30. Ouais. Donc voilà. Ah, à toi. Non, interview intéressante, toujours oui. Aussi cool à lire, parce que. Ouais. Parce que pas aussi long que, que, les, interviews. Que les interviews de Tremonti ou de chez Gake. Nos amis, de chez. Voilà. Mais ouais, très, très rapide à lire. Et puis bah, les mecs, le mec, ouais. Voilà, donc chanteur-guitariste de Black Rainbows, qui a une société de production en parallèle de son label. Un label. Voilà. qui cherche toujours à faire découvrir des groupes, comme il disait, qui faisait passer plus son métier de producteur que son métier de tourneur, enfin de musicien. Ouais, qu'il en avait un peu marre. Qu'il en avait marre de la scène, d'ailleurs, ouais, depuis 5-6 ans. Ouais. Qu'il n'avait plus trop la même frite qu'avant. Ouais. Mais voilà, ça a l'air d'être des mecs plutôt sympathiques. Ouais, et, j'ai bien aimé. Très, très avenant vers les groupes qu'ils découvrent. Voilà. Bah, comme je te disais hors antenne, c'est encore une interview par email, mais cette fois, on sent un peu plus, c'est un peu plus vivant. Ouais. Parce que tu as même des fois l'impression que le mec répond. Donc, je doute même un peu que ça soit vraiment par email, parce que ça fait vraiment un peu question-réponse de ping-pong classique d'une interview. Et c'est assez intéressant quand on lui dit comment tu te sens, enfin qu'est-ce que ça fait d'être contacté par le Hellfest, il dit qu'il est content, tout ça. On le sent un peu gêné de dire, bah, comme il essaie de faire passer les autres groupes avant le sien, qu'on lui propose à lui, mais bon, voilà, son groupe existe depuis plus longtemps, il a une plus grande popularité. Donc, puis il dit que maintenant il a l'habitude des festivals et tout ça, donc il sait comment gérer. Il se dit, on joue en début de journée, on nous a dit qu'il y aurait à peu près 7000 personnes. Il dit, bah, si c'est le cas, ouais, ça va être une des plus grosses scènes qu'on ait jamais fait. Et il dit que bah, maintenant qu'il a l'habitude, il n'a pas le stress sur scène, mais au dernier moment, bah, il va chier dessus, quoi, clairement. Voilà. Donc vraiment, le mec est très nature, très simple. Ouais. Et il explique aussi à quel point il bosse pour son truc, il bosse 24 sur 24, 7 jours sur 7, qu'il ne s'arrête jamais. Quoi, donc, Et que l'avantage justement d'être un groupe, bah, c'est qu'il connaît les attentes justement des groupes qui Donc bah, il peut essayer de répondre à tout le monde. Ouais. Il essaie Et le nom justement de la... de la boîte de prod, c'est Heavy Psych Sound. Ouais. Voilà, donc je vais aller faire un petit tour, voir s'il n'y a pas des... Des pipites. Ouais, des petits trucs sympas. Apparemment, en plus, ils disaient qu'il y avait des groupes qui étaient meilleurs qu'eux et que, qu'ils essayaient de... Voilà, de... Bah, de les mettre en avant, tout ça. Ouais, non, non, vraiment, le mec, il n'a pas genre fait un label. Enfin, peut-être qu'il l'a fait dans les premiers temps pour essayer de faire connaître un peu plus son groupe, mais que maintenant, voilà, il voit peut-être un peu plus ça comme son avenir... au sein de la musique et mettre un petit peu de côté son... Parce qu'il a deux enfants. Aussi, oui, voilà. Et qui vieillit. C'est ça. Voilà. On le comprend tellement. Oui. Nous sommes tellement proches. C'est pas faux. Dernière news sortie aujourd'hui, un partenariat avec ESP et des guitares, un modèle de guitare apparemment, trois modèles de guitare de Black Metal, enfin la LTD Black Metal Series. Donc, qui sera disponible en test au Hellfest. Donc, je vous lis le communiqué du Hellfest pour pas faire mentir mon propos. Fais donc. Cette année, nous sommes heureux d'accueillir dans l'enfer de Clisson les équipes infernales de ESP Guitar. Du jeudi au dimanche, venez découvrir et tester, entre autres, la nouvelle série de guitares démoniaques Black Metal Series en exclusivité sur leur stand ESP sur le Hell City Square. Alors la question que je me pose, c'est que les autres années, c'était un stand de wood brass. Ouais. Est-ce que ça va donc prendre sa place ou pas? Bonne question. Il y a des chances. Ou alors, il y aura un stand ESP chez wood brass ou à côté où ils ont... Ouais, peut-être, ouais. Parce que je crois que wood brass, si je ne me trompe pas, était... À côté du Doc Martins. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Il y avait Pignon, quoi, sur le... Bah, de manière, on va revenir un petit peu sur le City Square juste après, donc... Nombreux événements et lots à gagner pendant toute la durée du festival sur le stand. À côté de ça, ESP vous a proposé un grand jeu concours sur leur réseau. Voici le réseau. Bon, ça, j'ai pas vu, je m'en fous. D'accord, donc il y a des gens qui ont gagné des trucs. Ok, cool. Voilà. Il y avait carrément un truc à gagner, je n'avais pas du tout fait gaffe. Bon, ouais. Donc, c'est cool. Hein? J'irai peut-être essayer de tester un coup, voir ce qu'elles peuvent donner. Elles ont de la gueule en plus, les guitares. Ouais, ouais, ouais, j'aime beaucoup le modèle à tête inversée. Là. Ouais. Ça, moi, je joue là-dessus, moi. Ça, c'est le modèle SG, un petit peu, machin. Bon, bref. À voir. En tout cas, du coup, bah, je pense que c'est le bon moment de... Comme il reste que trois numéros avec celui-ci, on voulait revenir un peu sur quelque chose qu'on avait plus fait en saison 1, c'est-à-dire de parler du festival et de tout ce qu'il y a. Donc, on va le faire sous forme de trois gros morceaux du festival. Donc, aujourd'hui, ça sera le Hell City Square. La semaine prochaine, on se concentrera sur le Metal Corner et le camping. Et dernière semaine, le festival en lui-même, on reviendra sur chaque scène et tout ça. Donc, le Hell City Square, c'est quand même c'est un peu l'entrée, là où tout commence. C'est la claque dans ta gueule, voilà. Dès que t'arrives. C'est donc, dès que t'es à peine en train de faire la queue, que t'as déjà les structures que tu vois au loin qui te font un petit peu des clins d'œil, qui te disent « viens voir où... » Et dès que tu as ton bracelet qui est posé, bah, tu ne sais plus regarder tellement il y en a. Quoi. Voilà. Que ça, donc, c'est une représentation du quartier de Camden en Angleterre. Mmh. Et maintenant, depuis l'année dernière, il y a aussi le Hell City juste à côté, qui est donc une espèce de version futuriste, un univers un peu post-apocalyptique. Ouais. Avec, ça fait un peu penser, j'ai envie de te dire, à... Ah mince, ah, comment il s'appelle ce film? Ah, je ne vais pas l'avoir. Je vais revenir de Total Recall un peu. Ah oui, d'accord. Un petit peu. Ouais, ok, ouais. Tu vois, surtout le soir venu avec les lumières et l'ambiance. Ouais. Où tout monde... Ça me fait un peu penser à ça. Tu n'avais pas pensé à ça, mais Zach. Donc, avec un portrait à l'effigie de Lemmy. Ouais. T'as aussi une espèce de missile à moitié enfoncé dans le mur. Enfin, mmh. T'as plein de trucs un peu éclatés. Donc ça, c'est la partie qui est sur la droite dès qu'on arrive. C'est et la en part... bout, il y a là... Wedding Chapel. Donc ce qui était déjà disponible l'année dernière, donc voilà. Avec par Jägermeister, voilà, où on peut aller se marier. Donc nous n'y sommes pas allés. Non, peut-être bah non. Cette année. Bah, je sais pas. On verra s'il y a du monde après, ou pas. Après, si tu me proposes. Faut que je fasse quoi, les cérémonies, enfin que je fasse. Ah bah que tu te mettes à genoux et que voilà tout ça. Bah normal, hein, je veux dire. Ouais, mais on est en 2018 quand même. Ah ouais. Faut que ce soit un peu l'égalité, plus. L'égalité, c'est ça. Bah non, mais. On se met tous les deux à genoux. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Où on se fait un check, je veux dire, il n'y a pas... Mmh. Ouais, pourquoi pas. À côté de ça, l'année dernière, donc, parce que le Hell City a été mis en place l'année dernière, on va revenir après sur le reste du Hell City Square qui était là bien avant, il y a une espèce de salle d'arcade, enfin quelques vieux jeux rétro, il y avait des flippers et des jeux d'arcade donc gratuits, ouais. Quelques-uns pour se faire la main. Il y a forcément un bar. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre de ce côté-là? Je ne me souviens plus. Bah, voilà. C'était le bar, c'est en partenariat justement avec Jack Daniels, Jagger, Ricard, tout ça, qui propose des shots. Celui-là? Ouais, je crois. Ouais, d'accord, j'avais pas fait gaffe, moi. D'accord. Et donc, ça, c'est pour cette partie-là. Ouais. Moi, je me souviens aussi que l'année dernière, il y avait une dame qui donnait des fessées, mais c'était peut-être juste une festivalière. Donc, peut-être pas de lien. Ah, c'était aussi en rapport avec l'Indienne qui fait des câlins. Peut-être. Non, je sais pas. Non, peut-être pas. Donc après, sur le Hell City Square en lui-même, donc bah il y a la fontaine qui est un petit peu le point de repère et de retrouvailles de tout le monde quand on se perd, parce que c'est beaucoup plus simple. Le crâne, c'est ça? Ah, il y avait le crâne, et l'année dernière, il y avait aussi un animal, une espèce de fossile, enfin pas de fossile, mais de crâne de... Tu ne vois plus ce que je veux dire. Oh la vache, maintenant, putain, il y a tellement de trucs. Ah, mais il y avait toute une structure, un autre décorum. D'accord. Et en plus, ce qui a été mis en place aussi l'année dernière, c'était le ring de catch qui sera à nouveau utilisé cette année. Ouais. Donc, avec un programme qu'on va vous détailler un peu plus après. Donc, sur le Hell City Square en lui-même, une fois qu'on est rentré dedans, qu'on en prend plein les yeux, donc comme on l'a dit plus tôt, il y a donc la représentation, enfin, une copie, on va dire, de Camden au fond. Sur le côté à gauche, il y a l'Extreme Market, deux grandes tentes. Je crois que c'est. 3, non? Bah non, tu rentres d'un côté, tu peux traverser et tu ressors de l'autre. Ouais, ouais, non. Enfin, t'as deux entrées, en fait, t'as deux entrées sur chaque côté. Ça fait je ne sais combien d'elfes que je fais, je sais toujours pas. Bah, t'y vas peu en même temps. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, d'un côté, plus il y a des musicos, il y a des groupes, enfin des CD, des vinyles, des vêtements. Du merch. Et il y a aussi un petit côté un peu plus aussi route. Tu peux te faire de ta ceinture, ta boucle de ceinture. Il y avait un rayon, tout un stand de manga l'année dernière. Ouais. Tu as aussi donc le fameux... Des bouquins aussi. Je bah oui, il y a le bouquin, il y a le stand Bragg & Allen qui sera là. Il y a vraiment de quoi dépenser de l'argent pour tout le monde. Voilà. C'est ça. Donc, là, tu vraiment, peux trouver ton bonheur sans souci. Ah oui, que ce soit en CD, DVD, vinyle... même des bijoux t-shirt, de piercing, même accessoires, cuir, sacoche, ceinture, c'est ça. Kilt. Donc, et puis oui, du coup aussi beaucoup de trucs artisanaux. Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. Qui peuvent être faits sur place si tu as besoin. Voilà. Ouais, si tu as par exemple, si tu as besoin d'une corne pour boire ta bière. Oui, ils en vendent. Ils en vendent, ils te la façonnent, peut-être même qu'ils te la gravent. Oui, ouais. T'allais dire quelque chose. Non, non. Donc ça, c'est pour l'Extreme Market. Donc maintenant, si on retourne sur la façade qui est face donc à l'entrée, d'un côté, il y avait le stand Doc Martens qui doit être encore là cette année. Oui. Donc potentiellement, le stand Woodbrass avait ou ESP cette année, à savoir ou les deux. Un autre truc de fringue qui est souvent là, mais je ne sais plus Je ne connais, me souviens plus de la marque. Je ne sais plus non plus. Bah, il y a forcément UMP. Ouais, y a, ils sont là, ils sont aussi sur le site. Hein, ils sont aussi sur le site, ouais. Après, il y a le tatoueur qui est sur la droite. Ouais. Parce que ça fait un L, en fait. Ouais. Mais un L dans l'autre sens. C'est ça. Bah, si tu prends à droite et que tu te retournes vers la gauche. Voilà. Donc ça imaginez un peu. Bah merde, on va pas tout vous mâcher non plus. Bon. Oh. Et il y a les objets trouvés qui sont là. Et le même, le premier jour, la vente des billets pour l'année d'après. Il y en a une certaine quantité qui sont mis en vente pour ceux qui veulent aller déjà faire la queue dès qu'ils arrivent et réserver leur place pour le Hellfest 2019. Tu parlais des objets trouvés. Je parlais le jour avec un collègue qui a une petite anecdote par rapport à ça. Ah. Qui avait perdu son téléphone. Oui. Ou qui se l'était fait voler, je ne sais plus. Et il a été voir aux objets trouvés. Ouais. En demandant, en citant la marque de son téléphone. Donc il a demandé, est-ce que t'as pas trouvé un téléphone de telle marque ? Mm-hmm. Et le mec sort une caisse entière de téléphones d'une marque. Il fait, non, c'est pas cette marque-là. Il repose la caisse, il reprend une autre caisse pleine d'une autre marque. Mais ça devait être le samedi soir ou le dimanche, je sais plus. Et les mecs rangent les téléphones trouvés par marque. Et il a sorti des caisses entières de téléphones. Ça, c'est le problème de l'alcool, les mecs. Ça, c'est... C'est sûr. Ouais. On met des chaînes au portefeuille. Ça m'est arrivé une fois, ça, justement, de voir... Ça devait être à l'édition 2011, je crois. Un mec qui avait un téléphone qui était beaucoup plus gros que sa poche. Et je le voyais, le téléphone qui glissait. Et puis, bah, il faisait le con avec ses potes. Il jouait... Et d'un seul coup, le téléphone tombe. Ouais. Donc, je vais le ramasser. Ouais. J'attends 2-3 secondes. Je vois les mecs partir. Je lui tape sur l'épaule. Et puis, le mec un peu vénère. T'sais. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Je fais, non, juste, t'as perdu ton téléphone. Mais un truc énorme, quoi. Oh, merci. Toi. Donc, faites gaffe. Voilà. Faites gaffe, surtout. Déjà, ouais. Faites gaffe, parce que ça peut toujours tenter. Parce que malheureusement, on le sait depuis quelques années maintenant. 2-3 ans, je dirais. La corruption a fait son arrivée au Hellfest. Ah, putain. Les méchants voleurs sont parmi nous, donc soyez toujours vigilants. Voilà. On l'a vu nous-mêmes, on a été témoin d'un truc sans pouvoir trop réagir. Ouais. On en avait parlé dans la saison 1, mais on a vu quelqu'un détourner l'attention d'un grilleur. D'un vendeur, d'un, très honnête. Ouais, d'un caissier, et en fait, il lui piquait du fric dans sa caisse sans faire gaffe, et on n'a même pas été assez rapide de On n'a pas trop réagi non plus, en fait, sur le moment. J'ai même pas eu le temps. Non, ça a été très vite. J'ai vu juste le bras passer au niveau de la caisse. Le mec a pris les billets. Le temps que je me retourne, il était plus là. Donc voilà. Donc, c'est dommage, c'est triste, mais ça en fait partie. Bref. Et en discutant justement avec le mec, il m'a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait. Que d'habitude, il n'avait jamais eu de problème. Bah, ouais, non. Mais on a bien vu qu'il y avait quand même une petite détérioration de ce côté-là. Ouais. Donc, d'autres choses à dire sur le Hell City Square. Il y a aussi un distributeur de billets. Et de recharge de cashless. Ouais. Alors, je ne sais plus c'est qui fait ça. Je crois que c'était Crédit Mutuel. C'est fort possible. J'avais ça en tête. Et donc, je pense que tu confirmes. Il y a quelques trucs de bouffe, mais plus des petits snacks, on va dire. Il y a les hot dogs. Il y a le petit quick. Le quick, il est plus au Metal Corner, je crois. Ou alors... Non, ouais, il est à l'entrée, je crois. Ouais. Alors, effectivement, il y a peut-être les deux. Et je me demande s'il n'y a pas... Ah, ça a peut-être bougé. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui était au Metal Corner à côté de l'étranger. Ouais, quand tu vas direction le camping. Ouais. Ouais. Et il y a aussi un point de recharge téléphone à la sortie. Oui. Et il y avait aussi. Partenariat SFR, je crois. Ouais. Il y a un autre truc d'ailleurs. Il y a un autre truc à ce niveau-là. Parce que dans l'année dernière, il y avait un truc où tu pouvais acheter des bouteilles d'alcool. Tu te rappelles pas ? Je ne sais plus, peut-être. Parce que c'est là justement où était venue la bouteille qu'avait bu Joe. Tu sais, en fait, on l'avait vu en ressortant. Ouais. Et ça devait être un petit vendeur local qui avait son truc. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui avait ramené une bouteille de... Ah, peut-être, je sais plus. Tu te souviens pas ? Non. Le jeudi soir, il y avait du monde avec qui on discutait. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui a été chercher une bouteille et qui est revenu. Et en fait, c'est Joe qui se l'est tapé tout seul, la bouteille. Eh ben, sympa. Mais tu te souviens pas ? Non. Mais le jeudi soir, en général, je me souviens pas. Bah non, je sais, c'est moi et Parcimonie qui t'avons emmené dans ton lit. Ouais. En plus, t'en souviens pas. Non, c'est ce que je dis, je ne m'en souviens pas. Bref, mais si tu te souviens bien que Joe, il discutait il avec des gens, il s'est fait plein d'amis ce soir-là. Surtout... il s'est fait plein d'amis. Ouais. Et ben, c'est ses amis-là. D'accord. Qui sont ramenés une bouteille de rosé. Ah oui, d'accord. C'est bon, là, tu l'as. Et donc, ça vient du vendeur... Bah, je suppose, ouais, parce que je ne voyais pas à quel autre endroit. Donc, il y a moyen d'acheter des trucs-là. Et donc, le Hell City Square, c'est vraiment... en fait, quand on arrive le jeudi... on passe par là, on passe assez vite pour est-ce qu'on a juste envie d'aller se poser un peu, soit faire sa tente, soit poser ses affaires, et on revient toujours visiter, voir tout ce qu'il y a. C'est ça qui est bien justement sur le Hull City Square, c'est, et le fait qu'on puisse arriver le jeudi, c'est que tu peux profiter justement au max du Hull City Square tout en n'ayant pas encore l'attente des groupes et tout ça. Quoi. Voilà, donc, du coup, tu peux vraiment profiter un max de. Tu as quasiment tous les festivaliers qui sont là les 3 jours, qui sont sur le Hull City Square le soir, et qui. Ça te fait une foule de dingue, quoi. Ouais. C'est génial. Et non seulement ça, et en plus, tu y repasses tous les jours, tu y passes plusieurs fois par jour, et c'est. Si, on a oublié la vente de billets aussi, pour l'année suivante. Ah, je l'ai dit, hein. Tu l'as dit ? Ah ouais, là où il y a les objets trouvés, puis après t'as raconté ton anecdote, tout ça. Ah voilà, c'est ça. Ah ouais, tu m'écoutes pas, voilà. Non, on est jeudi soir, non ? Oui, on est jeudi soir. Non, et en fait, comme tu repasses à chaque fois que tu dois aller au fest en lui-même, en venant du camping ou même de l'entrée, c'est vraiment un endroit où tu repasses plusieurs fois, donc c'est autant malin de leur part d'avoir mis autant de dépenses fric à cet endroit-là que agréable pour le festivalier qui peut toujours faire une pause et voilà... Et trouver plein de choses à faire. Voilà. Donc, petite nouveauté donc, liée à l'arrivée du ring de l'année dernière. Ils ont décidé de vraiment prendre en compte le fait que le jeudi, maintenant, était une journée à part entière, avec l'ouverture des portes dès 16h. Et donc, dès je ne sais plus quelle heure, tu as le programme devant toi, je crois. Oui. Donc, dès 17h, je crois, ça commence les 17h10, exactement. Voilà. Et que se passe-t-il à 17h10 Donc, à 17h10, de 17h10 à 18h, il y a DJ Kurgan. Oh, référence voilà. À Highlander, bien sûr. Certainement. Qui est un DJ français. Donc, je n'ai pas écouté ce qu'il faisait, mais je pense qu'il passe pas de la dance. Hein. Il y a peu de chance. Ça m'étonnerait. Donc, voilà. J'irai certainement jeter un œil. Bah, ça dépend. Ah ! Et une oreille. C'est pas sûr. Hein. Parce que c'est un peu une heure bâtard, 17h. Ça dépend où on est, en fait. Ah non, mais je te parle de là, incessamment sous peu. Là, ah, tu veux dire qu'il va écouter, d'accord. Ouais, ça se trouve, voilà, il a peut-être... Excuse-moi, je me suis mépris sur ce que tu voulais. Parce que du coup, on ne sait pas si on y va. Non, mais tu pourrais très bien te dire en tant que festivalier lambda. Vu que la prochaine, oui, bien sûr. Vu que la prochaine rubrique, ça va être un truc lambda. C'est ça. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Ensuite, donc DJ Kurgan termine à 18h, et à 18h30 jusqu'à 19h45, il y a Jailbirds Big Band. Voilà, qui est un groupe français, qui est un big band cover. J'ai été écouté, et c'est assez cocasse. Ah bon ? Ouais. Donc il y a 16 mecs. 16 mecs ? Ils sont 16, wow. Et qui reprennent des classiques du rock, tels que les Guns, Deep Purple, Motorhead, Jimi Hendrix, Nirvana, AC/DC, Queen, etc. Et tout ça avec cuivre et moult instruments. Et voilà, avec une mise en scène apparemment, et tout le tout-team. Les mecs sont sapés, enfin moi de ce que j'en ai vu, les mecs sont sapés un peu style années 30, au brother, tu vois, dans l'esprit. Ah, la casquette, ça. Salopette avec la vieille chemise. Ils sont tous sapés pareil. Et bah, après ils reprennent des classiques au cuivre, guitare, clavier, d'accord. Machin, un truc. Est-ce que c'est un peu comme l'année dernière, le groupe qui avait repris des titres de Metallica là s'appelait je sais plus comment je ne sais plus mais il y avait un truc un peu comme ça où des mecs c'était un orchestre un peu qui reprenait enfin un big band quoi un peu comme ça ouais bah après là je ne sais pas ça se trouve c'est non je pense pas que ce soit les mêmes non c'est pas les mêmes je pense pas non mais après voilà quoi c'est ils sont 16 les mecs quoi, donc ouais. Ça fait une sacrée bande et puis ils prennent de la place hein, je pense. Tu as été écouter les suivants ou pas? Donc ensuite à 20h10 jusqu'à 21h, on a Babylon Pression. Mm-hmm. C'est un groupe français de hardcore punk. Donc ouais, j'ai été écouté. Donc c'est du hardcore punk, pardon. ils ont 3 albums, quand même. Mine de rien. Bah ouais, parce que voilà. Donc Heureux d'être content, c'est un 10 titres qu'ils ont sorti en 2017. Pardon. Allez tous vous faire foutre. Qui est sorti en 2011, qui est un 10 titres aussi. Ah, j'aurais pu le faire, cet album-là. Ah ouais ? Ah bah, allez tous vous faire foutre. Normal. Et Travail et meurt, qui est un 12 titres qu'ils ont sorti en 2010. Voilà. Donc c'est chanté en français, pour ce que j'en ai entendu. Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est du hardcore punk, c'est assez simpliste musicalement. Ouais, efficace. Enfin, efficace, c'est efficace. Ouais, c'est efficace. Ouais, c'est ça. ça va pas chercher dans les gros riffs ou dans la grosse technique, quoi, mais ça balance pas mal à Clisson. Ah, mais ça me donne bien envie d'écouter. Moi, rien que pour le titre, heureux d'être content, voilà, c'est... moi, je suis convaincu, moi. Ouais. Surtout, aller tous vous faire foutre. Ah ouais, non, mais je vais aller écouter, je vais l'acheter. J'aime bien l'esprit aussi. Ouais. c'est pas mal. Donc, voilà. Et ensuite... Pour Babylon Pression. Et à 21h45 jusqu'à 23h45, quand même, il y a le fameux Rock'n'Roll Wrestling Bash. Alors, je sais pas si c'est le fameux. Hein. Ouais. Ah, je sais pas, je pense pas. Ah, j'ai dit fameux ? Oui. Ouais, d'accord. Donc, parce que tu t'es peut-être dit que c'était le même que l'année dernière. Peut-être. Ah, mais après, je ne sais pas. Après, moi, j'ai trouvé ça un peu chelou, mais voilà. Donc, c'est Allemagne, États-Unis, et c'est du catch. Pas que. C'est une symbiose entre le catch mexicain, le trash et le hard rock. Oui, bon, après, voilà. Avec la Ligue des Catcheurs Trash, Galactic Trash Wrestling Alliance. Ah, c'est peut-être les mêmes que l'année dernière. En coopération avec El Brujo Gorexquestra. Tout à fait. Qui a créé un show encore jamais vu auparavant. Voilà. Donc, si c'est comme l'année dernière ou dans le même esprit, c'est sympa. Ça passe carrément bien. Oui, bah après... Après, ça, on parle de... Donc ça, c'est déjà rien que pour le jeudi soir. Alors, je ne sais pas si on détaille aussi Oh non, on ne va pas détailler le... Alors après, le vendredi, ça recommence de 17h avec Eurodivi, qui est de la France post-hardcore que tu as écouté. Non. Après, on passe à Ramchat à 18h15, qui est du Pagan Blam Metal. J'ai écouté. Et alors ? C'est assez chelou. Ah ouais ? C'est du black metal slovaque. Ils ont trois albums aussi. Bah dis donc. Ouais. Ils en ont un dernier qui est sorti en 2018. Hmm. Ouais, donc un album récent. C'est assez chelou parce que ouais, j'ai le premier morceau que j'ai écouté, je suis OK, c'est du black metal, voilà, classique. Un peu pagan dans l'esprit. Les pochettes font vraiment penser justement à du pagan. Mm-hmm. Après la musique plus à du black metal. Et le deuxième ou troisième morceau que j'ai écouté n'avait strictement rien à voir. Là, le chant était en clair et ça n'avait strictement rien à voir avec du black metal. D'accord. Donc après, à approfondir si j'ai le temps, si, voilà, parce que ça m'a fait sourire. Je fais tiens, c'est chelou. Ça a beau être slovaque, comme tu dis, il y a quand même dans ses membres l'entraîneur de l'équipe de hockey des Corsaires de Nantes. Bah oui. Donc... Oui. Le mec doit aimer la bagarre. C'est ça. Ensuite, à 19h15, il y a DJ Twisted Sister. Donc, c'est un DJ qui vient des catacombes de Lisbonne. Donc, sûrement un DJ qui aime bien mettre des disques. Ouais, certainement. Et appuyer sur des boutons pour peut-être la lecture aussi, et la pause. Hein. Donc ça, catacombes. On rappelle quand même que ce qui est toujours cool, c'est que ça, c'est en parallèle de ce qui peut se passer au Metal Corner. Donc, complètement. Il y a moyen quand même... Enfin, à 19h15, c'est un peu tôt pour le Metal Corner, mais t'as moyen d'enchaîner... En tout cas, le jeudi soir, ça commence assez tôt au Metal Corner. Bah, Metal Corner, 17h10. Le jeudi ? Ouais. Et le vendredi ? Le vendredi, c'est 1h10. Ah, tu vois. Donc c'est pour ça. Le jeudi, ah, oui. Il y aura des trucs peut-être un peu en parallèle. Le vendredi, ouais, bien sûr. Sans compter, en plus, les concerts qu'il peut y avoir au culte, qui sont... un peu en plus que parallèle. Après, voilà, il faut avoir accès au culte. Le samedi, on passe à 17h par Fractal Universe, qui est du death metal progressif. Faudrait que tu me notes ça, parce que moi, j'ai encore le paplard rockhard. Ouais. Et du coup, là, c'est marqué TBA. Ah, d'accord. Eh ben oui, je te dirai alors. Donc ça, t'as pas écouté ? Eh ben non, du coup. Non. Parce ensuite, que TBA, j'ai été chercher sur Spotify. Et t'as pas trouvé ? J'ai pas trouvé. J'ai dit, tiens, il passe deux jours de suite. Donc c'est un groupe français considéré comme l'un des groupes les plus prometteurs de la scène death metal progressif. Voilà. Whisper Night prendra le relais à 18h30 du France Metalcore. Ah bah c'est ce que t'écoutais tout à l'heure. Bah ouais. Ah du coup je l'avais pas. Bah c'était pas mal. Bah ouais. Donc qu'est-ce que t'as à en dire ? C'est pas mal. Par contre j'ai pas noté. D'accord. Mais c'est déjà j'ai bien. Juste écouté et du coup ça passe bien. D'accord. Ensuite à 19h35 c'est Vanilla Cage. France Géorgie, du rock metal. Et là, est-ce que tu as écouté ? Ouais, j'ai écouté, j'ai même été voir. Et alors ? C'est un groupe de nénettes. Mm-hmm. Donc, c'est entre le grunge et le hard rock, moi je dirais à peu près. Quoi. Mm-hmm. Qui repasseront d'ailleurs au Metal Corner le jeudi, de ce que j'en ai vu. Donc, ils passent d'abord au Metal Corner le jeudi ? Donc, attends, là, je suis sur le samedi. Tac. Oui, c'est ça. Il passe au Metal Corner, donc le jeudi de 21h20 à 22h10. D'accord. Et le samedi sur la LCT Square de 19h35 à 20h35. D'accord. Donc voilà. En fait, j'ai été voir parce que c'est des nanas qui ont participé à l'Eurovision 2012. Ah ouais. À The Voice et la Géorgie ou je sais pas trop, a un incroyable talent. Donc, d'accord, les mecs, c'est pas. Plein de. Voilà. Donc. Ok. C'est rigolo. Et c'est bien. Je dirais pas ça. Il y a encore du boulot, mais c'est assez prometteur. C'est vrai. Donc après. C'est mieux qu'L7 en tout cas. Après, on passe au dimanche avec le retour de DJ Kurgan des 17h, qui sera suivi par Furies à 19h15, qui est du very viril heavy metal de la France. Est-ce que t'as écouté ça? Non, j'ai pas eu le temps. D'accord. T'es arrivé trop tôt. Et à 20h15. Excuse-moi. Et à 20h15. Non, même pas, t'es arrivé. J'arrive jamais à l'heure. Ouais, c'est clair. Je pars. C'est pour te laisser le temps de te préparer. Et donc, pour finir, le dimanche à 20h15, Birdstone du Ritual Blues Mystic Rock de France. Ça m'a bien donné envie. Ça. D'accord. Ritual Blues, moi, ça me. Je suis d'accord, j'irai jeter un œil aussi à tout ça. Donc, voilà pour. Il y a un autre truc qui se passe au LCT Square. Enfin, non, c'est pas vraiment LCT Square. Il y aura des animations. Enfin, il y aura des animations sur tout le Hellfest, mais peut-être. Peut-être plus. J'avais marqué le truc et je ne l'ai plus. Pourquoi ? Animation. Donc, il y a la Wedding Chapel, ça, on en a parlé. Il y a les after parties au Metal Corner, ça, on en parlera. Et il y a aussi les shows qui sont pour le plaisir des yeux. La troupe Mystical Trap viendra vous charmer avec de nombreux shows diurnes et nocturnes des plus sexy. Donc, de par le passé, ça se passait autant sur le Fest que sur le LCT Square. Ouais. Donc, on n'a pas encore les dates. Je crois que c'est vraiment ce qu'on appelle des happenings un peu, tac, tac, tac. Eux, ils savent quand ils passent, les gens. Donc, il faut être là au bon moment. Oui, voilà. Il n'y a pas de truc. Donc, il peut y avoir des. Elles se baladent, en fait. Hein. Ouais, voilà. C'est principalement des jeunes filles tatouées, vêtues assez sexy, qui ont un peu des personnages, qui viennent cracher du feu. Oui. Souvent. Et pas que, il y a du jonglage. Il y a du jonglage, il y a des trucs, voilà, mais c'est parce que ça fait bien direct. Ça joue avec le feu. Ouais. Voilà, c'est parce que c'est marqué des performances brûlantes et explosives tout au long du festival. Voilà. Bah, rappelle-t'en, justement, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y en avait une, on était en train d'attendre pour boire une bière à un bar, oui, où il y a la coccinelle, ouais, et qu'elle est apparue. Juste au-dessus, ouais. Juste au-dessus. Je l'avais prise en photo. Ah bah voilà, bravo. C'était bien. Très longue soirée d'hiver. Oh non, pour mettre en poster, ah oui, au-dessus de mon lit. Normal. Donc voilà, ça, donc tout le LCT Square, c'est vraiment l'intro. C'est vraiment le. Mise en bouche. En fait, c'est vraiment le petit plaisir quand tu. Vous savez, quand vous rentrez chez vous le soir et que vous commencez à ouvrir une bière, bah c'est ça le LCT Square. Voilà. C'est, tu viens de passer l'entrée, on vient de te mettre ton bracelet, tu peux déjà te poser un petit peu, ou tu peux aller jusqu'au bout du camping tout poser parce que tu as encore un petit peu de marche. Et après, tu reviens te poser et tu. Exactement comme quand tu irais te balader à Londres ou Amsterdam dans un petit quartier sympa pour profiter, quoi. Voilà. C'est le départ, l'intro à 3 jours de folie, quoi. Alors, pour ma part, comme j'aime à le dire, à chaque fois que je suis arrivé, une fois la pause bracelet faite, t'as qu'une envie, c'est d'aller te poser. Déjà, tes fringues et tes machins. Ouais. Tu te poses, tu te jettes un petit apéro et tu reviens. Et là, t'es plus décontracté. Ouais. Et là, tu peux vraiment profiter du LCT Square. Ouais, c'est. Même le samedi matin où il y a encore peu de monde, tu peux vraiment profiter même du. Parce que l'extrême market est ouvert et tout, il y a un petit peu moins de monde. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu le problème du Hellfest aujourd'hui, c'est que partout où tu vas, il y a du monde. Donc partout où tu vas, il y a de la queue potentielle. Ouais, c'est vrai que c'est chiant ça. S'il y aurait, serait-ce que 100 000 personnes de moins. 100 000 de moins, ouais, c'est bien 100 000. Je pense que ça serait bien. C'est même limite privatiser le Hellfest. Ça serait pas mal. Ouais. Je pense que ça pourrait se faire. Donc voilà, c'était notre petit retour sur le LCT Square. La semaine prochaine, donc Metal Corner Camping. Et dans 15 jours, le festival, le site du Fest en lui-même. Donc on va maintenant passer. Est-ce qu'on passe aux quelques news qu'on a ou ça en vaut pas la peine? Je ne sais plus. Je pense qu'est-ce qu'on pense? Je pense que ça en vaut pas la peine. 2-3 news, des trucs. Ouais. On passe aux quelques albums qu'on avait à écouter. Oui. Et après, on fera notre petite running order de l'excellence. Rien qu'à nous. Voilà. Donc, on avait des albums à écouter. Donc, moi, je devais écouter l'album de Jonathan Davis, mais Bob a décidé de l'écouter aussi. Ouais, je fais qu'est-ce que je veux. T'es un rebelle dans l'âme. Ouais, totalement. Et donc, qu'en as-tu pensé de cet album ? Long. Oui, c'est ce que j'ai dit aussi. Ouais, long. Je sais pas, j'en sais rien. J'aime toujours autant la voix de Davis, mais... Ouais. Je sais pas, musicalement, il a testé un truc. On peut pas lui reprocher ça. Ça me parle pas plus que ça. J'ai vraiment l'impression d'écouter une BO. Bah, je pense que c'est un peu ça. Ouais. Hein. C'est un peu une BO d'un film qui est pas ouf. Autant il y a des passages musicaux, enfin l'ensemble, ça va à peu près. Mais derrière, il va rajouter des trucs très lents, très... C'est long. C'est long, c'est long. Et du coup, j'ai un petit peu du mal, moi. Je décroche assez rapidement et du coup, ça... Non. J'ai un peu le même souci que toi. J'avoue que j'ai dû recommencer plusieurs fois l'écoute de l'album et je suis toujours pas sûr d'avoir été jusqu'au bout. Et surtout, il n'y a pas de titre particulièrement qui m'a accroché où j'ai dit « Ah, tain, ça, c'est bien ouais. ». J'écoutais pas en me disant « C'est nul », mais c'était... j'aime pas dire ça parce que c'est un peu pas cool, mais un peu plat dans l'ensemble... on retrouve la voix et la manière de chanter particulière de Jonathan Davis, mais il n'y a pas le côté écorché qu'il peut y avoir dans Korn. Et il n'y a surtout pas non plus cette musique un petit peu où on retrouve en fait qu'on peut des fois retrouver à l'unisson entre la musique un peu une certaine forme de j'ai envie de dire sale, tu vois, un peu des fois de Korn, c'est pas, même si c'est hyper bien produit, il y a un petit côté qui sonne qui s'accorde vachement bien avec la voix. Et là, tu sens... Enfin, ça ferait comme s'il manquait quelque chose, mais en même temps, c'est normal. C'est le projet de Jonathan Davis. Par contre, on reconnaît bien le batteur qui est derrière, Ray Luzier. Je trouve qu'on reconnaît bien son... qui lui a tout donné. Par contre, lui, là, tu l'entends bien. Et peut-être que c'est un album qui va nécessiter plusieurs écoutes avant d'être vraiment... Non, je pense qu'il y a un truc, mais... Après, pour que ça, voilà, ça peut plaire à, je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Bah, en fait, à l'unité, les chansons, ouais, c'est dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a rien qui... Pff. Tu vois, je veux dire... Moi, je dirais que ça passerait en ambiance, tu vois. Oui, c'est un disque parfait que tu mets en fond. Voilà. Il passe. Mais par contre, tu vois, ça donne... Curieusement, tu peux dire, j'irai voir en live ce que ça donne, mais ça ne m'a pas donné envie, en tout cas. Ouais, non, moi, pareil. Vraiment, Donc, je pense que lui sera très bien en live et peut-être les musiciens qui vont l'accompagner, mais l'ensemble, je suis pas sûr que ça... Voilà, je sais pas, il manque un petit peu quelque chose. Après, on juge ça peut-être aussi en sachant très bien que c'est le chanteur de Korn, et voilà. Ça doit forcément jouer. C'est dur de se détacher, quoi. Ouais. Je pense que... Parce que je me suis fait la réflexion encore ce midi, quand j'écoutais un ou deux morceaux, il y a des moments, t'as l'impression d'essayer de retrouver un peu des riffs à la manière de Korn. Je trouvais justement... Ah, mais sans le côté Korn. Ouais. Donc, J'ai pas été plus emballé que ça. C'est vrai qu'il y a des morceaux où je les ai trouvés tellement longs que j'ai été obligé de couper parce que il y a des passages assez répétitifs et du coup bah tu dis bah ça tu passes et tu vas zapper une minute en minute ou enfin je vois et tu dis bah c'est la même chose en fait et du coup bah tu bah voilà tu zappes quoi. Après, c'est un gros défaut quoi. Ouais, donc voilà, c'est pas un album ouf, c'est... On va dire qu'on peut être déçu parce qu'on s'attendait à peut-être autre chose, mais en même temps, les singles sont hyper représentatifs de ce qu'est l'album, pour le coup. Non, je ne m'attendais pas à autre chose, parce que le morceau qu'on a entendu... Oui, mais justement, sur le papier, tu dis un album de Jonathan Davis, puis les singles, par contre, tu dis, oui, et les singles sont l'album de... sont effectivement une bonne carte de visite de l'album, en fait. Ah oui, oui. C'est ça que je voulais dire, en fait. Totalement. Bah, le morceau qu'on a écouté, je ne sais plus quand, c'était tout à fait ça, quoi. C'est ça, oui. C'est totalement représentatif, quoi. C'est, je veux dire, sur le papier, tu pourrais dire un album de Jonathan Davis. Oui. Voilà. Il y avait Five Finger Death Punch que je devais écouter, moi. Toi, je me doute que tu l'as pas. Non. J'accroche pas. Je l'ai essayé de l'écouter. Je n'ai pas réussi à le finir, je crois. J'ai un ami c'est son groupe de la vie avec qui j'ai beaucoup discuté avec lui. Et justement, j'ai essayé de revenir un peu avec lui sur des trucs que j'aimais pas trop. Et que lui me disait qu'il voyait pas les choses comme moi, forcément, mais que de toute manière, il n'était pas capable de bien juger le groupe. Mais moi, je disais, ouais, il y a des petits côtés un peu faciles, parce que le chanteur a un discours un petit peu, en gros, je suis un connard, je suis comme ça, mais faites avec, quoi. Et j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve ça trop facile quand tu proposes pas quelque chose d'autre derrière. Mais ça, c'est la base. Après, ça reste du Five Finger plus intéressant que leur avant-dernier album, mais toujours peut-être trop mainstream ou dans le côté vraiment trop radio du truc. Et en fait, sur les quelques morceaux qui pourraient sortir du haut, ce qui m'embête, c'est que tu as des bons départs de chansons, des bonnes intros, des bons couplets, et au refrain, tu retrouves trop de trucs qui me cassent un peu dans le truc. Et c'est le problème que j'ai avec ce groupe-là. C'est que tu as certains morceaux qui ont une patate super, quoi, ouais. ça balance bien, et puis d'un seul coup, ça vient tout casser en côté trop, comme tu dis, mainstream, trop gnangnan, trop FM, quoi, je sais pas. Voilà, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'essayer avec Five Finger Death Punch, parce que ça, à chaque fois, ça me mène toujours à ce truc-là. Quoi. Donc, ouais, là, c'est un peu l'ensemble. Donc, j'essaierai quand même de le finir, histoire de dire, parce que mon pote m'a précisé, ouais, la première partie est pas ouf, mais c'est... Et j'ai allé, en allant sur la deuxième, j'avais l'impression que c'était pas mieux, mais ça venait peut-être de moi, j'avais peut-être... Enfin, voilà, j'ai pas accroché à l'album. De ton côté, toi, tu devais écouter le dernier album, At The Gate, que j'ai oublié le nom, c'est The Night With je sais plus qui. Que je te redis ça, parce que c'est important de... Bien sûr. D'être précis. Tout à fait. L'album To Drink From The Night Itself. Voilà. Qui est un titre, qui a oui. Le même titre. Exactement, pas du tout ce que j'ai commencé, mais... Voilà. C'est vrai. Qu'en as-tu pensé, donc, de cet album ? J'ai bien aimé. Moi aussi. J'aime bien, franchement. J'ai mis trois mots, simplement, qui m'ont tout de suite tiqué quand j'ai écouté l'album. Furieux, sombre et technique. Mm. Et je trouve que ça résume super bien l'album, parce que c'est exactement ça, quoi. Furieux et sombre, tout à fait dans l'esprit, et technique, comme à The Gate, quoi, de ce que j'en ai écouté. J'adore, franchement, c'est bon. Et qui est quand même At The Gate, qui est un album qui a quand même très peu publié en 30 ans, et voilà. Ouais. Et là, c'est le premier album sans un des membres... Enfin, oui, des membres... Le redépart, parce qu'il s'est barré... Il était revenu, et là, il est reparti en disant la musique, c'est bon, j'en ai ma claque. Voilà. Et du coup, c'était son frère jumeau qui est toujours dans le groupe, qui a composé avec le chanteur, si je dis pas de conneries. Ouais. Et donc, du coup, il avait une... Je crois que c'est justement le départ qui a fait qu'ils ont tiqué sur le fait de faire un nouvel album. Voilà, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Et que du coup, il avait un peu plus de pression et en même temps, il a pu se lâcher. Et... Du coup, je ne connais pas assez le reste du groupe pour faire une comparaison avec ce qu'il a fait avant, mais cet album-là Franchement, très, très bien. Ouais. Moi, j'avais commencé sans cet album-là, du coup. Bah oui. Déjà, j'avais plutôt bien accroché en me disant je connais At The Gate de nom, je vois les pochettes des albums, je vois le nom, la typo du nom. Mm. Et jamais approfondi, il a fallu que on fasse Road to Hellfest 2018 pour que j'approfondisse un peu le truc. C'est les mieux. Et du coup, l'album est très bon. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Je suis en train de... Voilà, tout va bien, Alors ça... Je ne maîtrise pas encore tout à fait... non, c'est parce qu'en fait, je voulais regarder parce que de ce que je savais, il y avait un album, je ne sais plus lequel, mais un album d'At The Gate, donc dans les 3-4 qui sont sortis, je ne sais pas, qui a été un album inspiration pour énormément de monde dans la scène métal. Et que c'était en matière de death metal mélodique. Mmh. C'était un, Je ne sais plus lequel c'était, je voulais voir si le titre allait me revenir, mais ce n'est pas le cas. Mmh. Donc voilà. Un très bon album de At The Gate qui a peut-être. Te permis de te faire un avis sur ce qu'il y a. Ça tombe en même temps qu'un autre groupe que tu voulais voir, je crois. Je ne sais plus. Dans mon souvenir, c'était Cadavar. C'est fort possible. Donc. c'est fort possible. Je crois que c'était ça, mais je. On va trouver. Oui, cherchons. Oui, si vous vous demandez pourquoi d'un seul coup. C'est ça, c'est exactement en même temps que Cadavar. Voilà, c'est ça. Et que tu étais un petit peu en dilemme, dilémente. Encore. C'est la deuxième, là, c'est le deuxième, c'est vrai que là, cette année, par contre, tu vois, il y a... Il y a des dilemmes. Ouais, j'ai le problème. Tous les ans, ça tombe bien, là. Non, c'est parce que tous les ans, t'as des choix plus faciles, peut-être. Ah bah oui, c'est ça. Parce que genre, l'année dernière, il y avait Primus, tu t'es pas posé la question, il y avait Clutch, tu t'es pas posé la question. Ouais, puis moi, je pense que je me reposerai pas la question. Putain. Ah, ça dépend. Voilà, tu vois, des fois, faut... Ça dépend si Clutch et Primus passent en même temps. Ah, tu vois. Tiens, c'est ça le truc. C'est ça, ça pourrait arriver. Hein. Bah ouais. Ou Maiden. Ah bah c'est toujours ça reste l'inconnu. Sinon, moi, je devais écouter Amorphis, le dernier album que j'avais déjà commencé à écouter, mais que j'avais pas assez approfondi. Et comme j'ai rien foutu cette semaine, je m'en excuse, je le mets dans ma liste à écouter pour la semaine prochaine. Je préfère être honnête. Non, mais c'est bien, bravo. Je suis désolé. Par contre, j'ai vachement avancé dans Mario Odyssey. Et donc, et toi, dans Zelda, du coup. Doucement, c'est ouais. très long. Du coup, toi, t'as enfin pu écouter Burn the Priest. Ouais. Donc alors. J'adore. T'adores? Ah ouais, non, très bien. T'aimes bien Kérosène? Moi, j'aime bien Kérosène. J'aime bien Kérosène et j'adore. J'ai adoré. Attends, c'était quoi le titre de Ministry? La dernière, non? Jesus built my. What? C'est glace. Jesus build. Ah, c'est my, mieux. My hot rod. Ah, de oui. Ministry. Jesus ou God, je sais plus. C'est laquelle? Jesus. Jesus. Moi, je crois qu'il y en a une dans les dernières que j'avais adoré aussi. Donc, je ne sais plus trop laquelle c'est. Ça, c'est tout à fait le genre de morceau que j'ai devant. Ah non, c'est pas la dernière du tout. Bah, c'est peut-être celle-là. Bon, on en reparlera. Ouais. Ouais. Donc, un bon album. Ah ouais. Non, il est disponible, hein, si tu veux. Bah, tu veux, carrément. Tu vas le mettre. Déjà, je suis un gros fan de Lamb of God à la base, mais. C'est quoi le rapport? Ta sœur. Pas trop quoi dire. Je dis rien. Très bien. Est-ce que tu as d'autres autres choses que tu as écoutées qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais qui ne sont pas non plus dans ce qu'on va parler après, mais. Genre un album ouais, sorti. Plein, ouais, certainement, ouais, mais. Non, il n'y a pas un album en particulier qui est sorti que tu as. Que j'ai surkiffé. Parce que moi, par exemple, Maras. J'ai reçu une notification de. Il y a Biffy Clyro qui a sorti un live, ouais. Un plug, je crois, bah, j'ai pas été l'écouter. Mais... Ouais, bah après, c'est Biffy Clyro. Fucking Clyro. Bah oui, après, voilà. Non, mais t'aurais pu écouter un album, c'est ça que je veux dire, dans la Non, enfin, peut-être, je ne sais pas. J'ai écouté pas mal de trucs. Excuse-moi, je voulais pas te poser une question trop compliquée, je voulais pas te créer un dilemme avec toi-même. Mais je t'emmerde. Mais arrête, t'as fait deux fois déjà. Bah ouais, mais c'est pas assez, je trouve. Bon, t'as beau être le patron. Donc cette semaine, on a... Taulier. C'est qui le patron? Cette semaine, on a un petit peu bousculé notre programmation habituelle. Oh là là, non! Si! Oh! Donc au lieu de vous faire des groupes à approfondir ou des groupes chez l'autre, on va vous faire un running order personnalisé, en citant à peu près pour chaque moment dans la journée ce que nous, on irait voir ou comment on va gérer. Voilà. C'est ça. Dans le cas où on aurait été à ce festival, mais il y a quand même très peu de chance. Mais pour le principe. Mais avant d'en arriver là, on va d'abord faire... Pourquoi d'ailleurs on est parti là-dessus, du coup? Sur quoi? Bah sur le peut-être pas, peut-être... C'est encore le jeu, ça. Tu sais, on a eu beaucoup d'idées, très peu de bonnes, donc forcément, dans ouais, la base, il ne reste plus que des mauvaises au bout d'un moment. Bah voilà, ouais. C'est pour ça que je ne comprends pas. Avant d'attaquer le Running Order, on va d'abord revenir sur un des groupes qui nous restait à écouter dans les trois dernières annonces. Donc après celui de la semaine dernière, qui était... J'ai oublié. Remele-mele, j'étais pas du tout dedans. C'était quoi le groupe de la semaine dernière qu'on a... Ah, non, c'est pas celui-là. Si. Ah si, Mode Générateur. Voilà, donc cette année, cette semaine, c'est au tour de Zwinkels. Ah, exact. De passer à la moulinette de Road to Fest. Alors, est-ce que tu as une petite chronique à nous lire du groupe? Moi, je veux que tu nous la lises parce que franchement, jamais... Enfin si, déjà, malheureusement, mais vas-y. Peux-tu nous lire ta petite chronique? Zwinkels, autre nom, le Zwink. Actif depuis 1994, groupe français de hip-hop, composé de 3 MC, Gérard Bast, Nicus Pocus et Mr. Xavier alias Xanax. Oh le salaud, il marque exactement la même chose. Le nom Zwinkels s'inspire de la Zwinkels Tradition Beer, bière de type Pils du brasseur Claude, petite blague, néerlandais Bavaria. Réputés pour être la moins chère sur le marché. Au lycée, on les appelait donc Zwinkels en raison de leur grande consommation de ce breuvage. Voilà. C'est tout ? Ça te fait chier. Bah, j'ai marqué. Bah, vas-y, continue. Bah, non, j'ajouterais juste qu'ils ont sorti 3 albums. Tapis Rouge en 99, Bon pour l'Asile en 2003 et Dirty Centre en 2008. Et qu'ils ont refait parler d'eux l'année dernière. Enfin, ils ont fait reparler d'eux de temps en temps avec des remasters de leur album. Il y en a eu un l'année dernière. Et surtout, ils annoncent une nouvelle tournée donc depuis l'année dernière. Donc, fait amusant, comme la chanson que j'ai postée. Il y a le pont qui est voilà. En moi. Et ben, c'était une chanson que je connaissais, donc que j'ai dû entendre dans ma jeunesse. Mais c'est très amusant de voir le Gérard Bass de cette époque et le Gérard Bass d'aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. Il a un petit peu changé. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Il a pris de la moustache. Ouais. Et donc, alors, quand j'ai écouté le groupe, je t'ai envoyé un message où je disais « Ah, je suis partagé sur ton avis dessus, je verrai un titre 50-50 ». Une heure après, je t'ai renvoyé un autre message en disant « Peut-être plus 80-20 ». Qui était bien sûr 80. Non, tu m'as dit 90-10. Ah, 90-10, pardon. Ouais, ouais. 90 que tu n'aimes pas et 10 que tu pourrais apprécier, pas l'inverse. Ouais. Alors, je vais d'abord parler pour moi. Étonnamment, j'ai été un peu pris dans le truc, sans forcément aimer ce que j'écoutais. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait rigoler. Surtout dans les paroles, en fait. Même encore tout à l'heure, j'écoutais une parole et ça me faisait rire. Tellement c'est con ce qu'ils disent, en fait. Mais des fois, ça va vraiment loin dans la connerie. En fait, je trouve qu'il y a vraiment un côté bon enfant dans ce qu'ils font. Mais on est quand même un petit peu dans l'idée de ce qu'on a déjà dit sur d'autres groupes de hip-hop qui viennent, de pourquoi ils viennent au Hellfest. Je garde toujours ce truc-là en tête, même si il faut réveiller le punk qui est en toi un peu passé. En écoutant... Enfin, ils vont pas faire un set de 20 minutes juste avec Réveille le pont qui est en toi. Tout à fait, mais je suis même pas sûr qu'il la fasse. Ça serait hyper cohérent de la faire sur la Warzone. Ouais, quand même. Ouais. Juste, il n'y a pas d'autres chansons dans leur répertoire qui se rapprochent de ça. Non, pas du tout. Et même s'ils ont énormément d'influence rock, parce qu'ils le font que de les citer un peu partout dans ce qu'ils écoutent, dans ce qu'ils disent et tout ça, et que je reconnais qu'ils peuvent avoir un petit côté rock, ils ont plus un côté... comment dire, j'allais dire gaudriole, mais c'est pas non plus. En fait, je les trouve pas. J'ai beaucoup moins d'a priori pour eux qui viennent qu'un groupe comme Dialek, par exemple, étonnamment. Peut-être parce que je comprends mieux les paroles, ou peut-être parce qu'ils, justement, ils jouent pas sur une image de rappeur qui se la raconte. Ils sont. J'ai vraiment l'impression de voir des mecs qui sont en train de s'éclater dans leur truc et qui disent des conneries. Mais des conneries recherchées quand même. Je vois que les mecs, ils ont fait attention à ce qu'ils disent pour faire la blague. C'est genre, ah, on va faire un truc. Après, au-delà de ça, ça n'a pas forcément raison d'être au Hellfest. Ça prend la place d'un autre groupe, malheureusement, surtout quand tu vois ce qu'il y a, même sur le Hell City Square. C'est peut-être ça qui est dommage. Ouais, c'est clair. Mais il y a 2-3 trucs qui m'ont fait rire et je n'ai pas totalement détesté ce que j'ai écouté. Je ne dirais pas que j'ai aimé. J'aurais sûrement jamais été écouter ça à un autre moment. Mais j'ai ri à des trucs et j'ai pas passé un dernier. Ça m'a pas saoulé d'écouter ça. Il y a certains trucs de musique, en fait, c'est plus les moments de mixage musicaux à la con qui m'ont fait zapper une chanson, en fait. C'est les effets à la con. C'est ça qui m'a fait, ah, ça me saoule, ça. Mais après, quand j'écoutais le flow, j'écoutais en fait ce qu'il racontait. Ouais. Et j'étais dedans. Voilà, sans forcément kiffer mon moment, ça me faisait rire un peu comme certains textes d'Ultra Vomit, pas me faire rire dans l'idée. Voilà. Ouais. Mais j'irai pas. En même temps, toi, j'allais dire j'irai pas les voir, mais en même temps, je pourrais être curieux de voir ce que ça donne dans cette configuration. Genre 3 MC sur la scène de la Warzone, est-ce que vraiment ils mettent le feu ou pas? Tu vois, genre voilà. Ce truc-là. Est-ce que le public est au rendez-vous aussi? Ouais! Après, je pense que si le public est là, il y a moyen de passer un bon moment parce que... Enfin, ouais, ils vont mettre le feu en fonction du public aussi, quoi, je pense. Je pense. Donc du coup... Mais après, voilà... Si le public n'est pas réceptif, les mecs, ils risquent de retomber un peu comme des soufflés, quoi. Même ça, c'est... Ou alors, ils arrivent vraiment à... Tu veux, j'ai beaucoup moins d'appréhension sur l'ambiance qu'il y aura de Zwinkels à la Warzone que Dialek ou Aurore sous la vallée. Sous la vallée, ouais. J'ai beaucoup moins d'appréhension parce que... Enfin, l'attente s'y prête bien quand même pour ce genre d'ambiance, je pense. Ouais, mais je pense qu'ils ont un petit côté rock qui peut vraiment se mêler au truc. Puis surtout, ils sont délire. Dialek, j'ai écouté des trucs qui sont assez spécos quand même. Hein. Je pense qu'ils font bien quand même sous la vallée. Quoi. Ah ouais, ils ont une ambiance un peu des fois, c'est assez spécial. Ouais. Donc tu redonnes un peu leur place à Dialek? Ouais. Bah, je sais pas trop, mais vraiment, j'ai voulu réécouter en me disant je vais pas mourir con, je vais aller voir quand même, enfin écouter ce qu'ils font. Tu sais que et du coup, je suis tombé. Ce Bob-là, il parlerait à ton Bob d'il y a 10 ans, je pense qu'il y aurait bagarre. Hein. Ah, bah je lui mettrais une claque dans sa gueule déjà. Je pense. Petit con. Je pense. 26 ans. Ah ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, non, je pense que... Non, je pense que Dayalek, ils ont leur place ouais, sous la vallée. Parce sous que la vallée de Hellfest. Ouais, Hellfest, là, par contre, c'est un autre débat. Là. Mais vu qu'ils sont là, je pense qu'ils sont mieux sous la vallée que sur la Warzone, par exemple, ou sur une autre scène, du coup. Bah, du coup, moi, je vois plus Winkles sur la Warzone que même en main stage. Je pense que ça serait mieux. Alors, moi, je pensais à ça, justement, parce que j'ai écouté un Full Throttle Baby. Ouais. Et tu vois, je me dirais que les Winkles passeraient plus facilement sous le Metal Corner et Full Throttle Baby passerait plus facilement sur la Warzone, tu vois. D'accord, ouais. Tu vois l'idée ? Mais en dehors de ça, t'en as pensé quoi ? Des Winkles ? Ouais. Que te dire ? Je suis pas fan. Après, j'ai vu des titres déjà qui m'ont pas inspiré du tout, comme du PQ pour mon trou. Ouais, non. Mais en fait, tu vois, je suis d'accord avec toi. Et cette chanson-là, justement, c'est un exemple précis de là où l'humour va trop vite, enfin, va trop loin, même pour moi. Même le flow, pas... Tu l'as écouté ou pas du tout, cette chanson ? J'ai écouté, ouais, mais... C'est... Mais par contre, j'adore le... quand tu écoutes pas le titre, mais quand tu écoutes le début de la chanson, il y a des trucs importants dans la vie, sa famille, il faut avoir des valeurs. Ah oui, non, mais ça, oui. Et d'un coup, il dit, et du PQ pour votre autre... Voilà, ça s'arrête là, tu sais, ça fait sketch, je t'arrêterai juste là. Ça blague un d'une minute, quoi. Voilà. Après, ils font vraiment une chanson et tout ça, là, je suis d'accord. Moi, je me vois pas du tout scander du PQ pour mon trou-trou, du PQ, ça, non. Mais toi, en fait, c'est l'idée. Ouais, j'imagine, ouais, c'est sûr. Ouais. Par contre, l'idée de base du truc super sérieux, comme il dit, ouais, dans la vie, un homme doit avoir des valeurs, doit protéger machin. Bien sûr, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ouais, voilà. Bon, ça. Tu vois, c'est le genre de truc à chaque fois qui m'a pris, en fait. Ouais. Quand j'écoutais les textes, j'entendais. Bah, c'était des moments où je rigolais. Il y a un titre qui m'a fait. Pas rire, mais qui j'ai trouvé. Putain, les cons. C'est Tous des cons, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, ils ont beaucoup. Qui est sur l'album où c'est Bleu, Blanc, Rouge, là. Ah, le dernier. Pour américain, je crois, où ils sont c'est dessus. C'est le dernier, ouais, c'est Dirty Centre. Dirty Centre. Je crois que c'est Tous des cons, un truc comme ça. Le public, il comprend rien. Ah, c'est ouais, tous des cons, enfin, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, putain, quand même, quoi. Non, mais. Ils osent, c'est bien. C'est non, bien. Mais c'est ça, en fait, c'est dans leur truc, c'est qu'ils font. Ils disent n'importe quoi, entre parenthèses, mais ils vont au bout du truc. Oh, s'il y en a une qu'il faut que je te fasse écouter parce qu'elle me fait trop rire. C'est celle sur les travestis. Ah non, ça me vient. En gros, il dit, ouais, une fois que tout le monde est tout nu, c'est bon, c'est que du bonheur. si tu veux aller vérifier... Bah, après, ouais, c'est ça, mais je trouve qu'ils ont un bon flow hip-hop. Mais voilà, moi, tu vois, à ce niveau-là, j'aurais plutôt vu un groupe comme... Ah, j'ai plus le nom. Ah bah merde. Stupéflip. Ah oui, d'accord. Ouais, mais... Ah mais Stupéflip, c'est encore un autre délire, je trouve. Ouais, mais à ce niveau-là, ils ont un côté hip-hop, un côté rock-metal qui est plus prononcé et qui passerait beaucoup plus facilement sur la Warzone. Là, je suis d'accord. Ok, tu vois ce que tu veux dire, je suis d'accord. C'est et Zwinkels m'a fait repenser à un groupe que j'écoutais, enfin, c'est pas un groupe que j'écoutais et que j'ai approfondi, mais un groupe que j'aimais bien, qui avait un bon flow aussi hip-hop, c'était Java. Ah, je connais pas du tout. Tu connais pas Java ? Non. Et Java, justement, je trouve que les textes sont bien dits, bien balancés. Il y a de l'humour, et c'est moins pipi caca. Ouais, voilà. Et du coup, j'aime bien l'humour de Java, et c'est plus. Pas plus fin, mais plus. Voilà, plus, non, mais tu plus vois, écrit. Après, c'est. Ce que j'aime bien aussi, c'est que dans le côté, justement, ils se moquent d'eux-mêmes. Quand tu vois Gérard Bast qui est en train de dire j'ai pas besoin d'aller au soleil ni de faire des UV parce qu'il a déjà la gueule qui est rouge à cause du vin rouge. Ouais, non, mais. Non, mais je comprends. Mais voilà, mais c'est plus vraiment, ils prennent tout au 40e degré. Voilà, et c'est du ça. Coup, c'est en ça que je trouve que ça passe beaucoup mieux pour moi. Ouais. Voilà. À partir du moment où, de manière, ils sont sur Hellfest, maintenant, ce qu'on a fait pendant plusieurs épisodes de discuter de la légitimité des groupes, bah voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je trouve que c'est trop. De quoi ? Bah, ça fait trop. C'est tout le temps de la déconnade, déconnade. Bah, à un moment, voilà, ça tue la déconnade. Mais c'est aussi parce que c'est un groupe de hip-hop comme ça. Ça te fait pas ça dans Ultra Vomit alors que c'est la même chose. Ouais, mais c'est pas écrit pareil. Ah bah ouais, mais si tu regardes bien, ça va. C'est peut-être un peu. Il y a quand même pipi versus caca, quoi. Ouais, mais c'est un morceau qui dure même pas 50 secondes. Donc parce du que coup... c'est lié au grindcore, mais au final, ça reste un peu le même. Là, ça, c'est parce que c'est du hip-hop. C'est sûr, je pense qu'il y a une question, c'est la musique aussi qui joue la différence. Bah, bien sûr, parce que moi, je suis forcément plus attiré par guitare, basse, batterie, voilà, qui a du punch qu'un flow hip-hop. Mais DJ. Après, si tu fais le ratio. MC, pardon. Si tu fais le ratio des deux, ça doit être kiff-kiff, en fait, après. Oui, mais après, ça me parle pas. Ouais, voilà, je suis d'accord. Et puis, bah, c'est pareil, je te dirais que Ultra Vomit, j'aime bien, mais il y a un moment, c'est pareil, ça lasse un peu, parce que les paroles, bah, tu les connais, tu les écoutes, et puis il y a un moment, bah, voilà. Oui, oui. On a écouté beaucoup Ultra Vomit, parce que les gamins adoraient, c'était, ouais, c'était cool, ouais, machin, truc. Il y a un moment où tu satures un peu, quoi, c'est toujours pareil. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, musicalement, je peux pas leur tirer, j'adore ce qu'ils font. C'est vrai. Mais les textes, bah voilà, tu les as en tête, et puis à un moment, c'est prenant, et ça te... Oh, putain, c'est bon, quoi. Mm. Voilà. Non, après, c'est... Je suis entièrement d'accord avec toi, et puis je sais même pas, du coup, si j'irai voir les Tinkles. Je serais plus curieux. En fait, c'est ce que j'expliquais à Julien au boulot, on en parlera sûrement quand on va faire les Reunion Order. Il y a des groupes que j'ai envie de voir, pour le côté presque bah, qu'on fait ici, en fait. C'est le côté de discuter et de voir, par exemple, je serais curieux de voir qui va aller voir Aurore, qui va aller voir Dayalek, ouais, et comment le public réagit, en fait. C'est ouais, pas y rester tout le concert, mais juste avoir un petit aperçu de, mmh, ok, bah ça marche. Tu vois, à partir du moment où ça marche, après, tant mieux, mais c'est voir comment ça se passe. Ouais. Et bah, là, je suis aussi un petit peu curieux, en fait, de voir ce que ça peut donner sur la Warzone en termes d'ambiance. Pareil. Mais sans moi avoir particulièrement envie de les voir. Mmh. Du coup, on attaque cette petite, ce petit running order, parce que tu le croiras jamais, mais ça fait déjà 1h20. C'est pas mal. Ça va, pour, c'est des, bien. Mecs, pour des mecs qui n'ont rien à dire. Bah oui. Donc, on commence directement par le vendredi, hein, parce que ça me semble tout être fait plus mal. Donc, on va peut-être pas remettre surtout. On va essayer quand même d'aller assez vite. Enfin, assez vite, entre parenthèses. Mais, oui. Les trois premiers groupes à l'affiche ont quand même le mérite d'être tous les trois français, de mémoire. Je crois que Fange, hein, c'est bien français. Ouais, Fange, c'est français, ouais. Donc, il y a d'abord Malmort sur la Main Stage 2. C'est quand c'est 1 et 2, c'est ça, ouais. Main Stage 2, avec face à Drakwald sous Altar et Fange sous la Vallée. Pour ma part, ce serait Drakwald. C'est ce que j'ai noté aussi, moi. Parce que j'avais bien aimé ce que j'avais écouté de ce groupe et que bah, j'ai envie de défendre les couleurs de la France. Bien sûr. Voilà, là, même si là, pour le coup, on est un petit peu... sur un terrain égalitatif. Il n'existe pas ce mot. Non, mais c'est bien de tenter des trucs. Ensuite, dès 11h05, on passe en main stage 1 avec Mosh Generator face à Kynandon en Temple, face à Bong Kong sur la Warzone. Donc, bah, pour ma part, ce sera plus Mosh Generator, avec peut-être un petit crochet vite fait sur Bong Kong. Et pour votre part, jeune homme, bah, pour ma part, moi, ce sera Mosh Generator, mm-hmm, avec peut-être éventuellement un petit crochet par Buncombe. Ah, mais on est d'accord que Kynandon... Non, je pense que ça va être Mosh Generator. Ouais, mais ouais, ça dépend, en fait. En fait, autant j'ai plus envie de voir Mosh Generator, autant le fait que ça soit un main stage, à un moment donné, peut me donner envie de... Bah, je vais aller faire un tour vite fait à la Warzone. Ouais, mais à ce tour-là, c'est la bonne heure, ça, pour la main stage. Oui, mais pas forcément... Bah, pour la Warzone aussi, hein. Tu sais, tu peux... on avait fait ça un petit peu l'année dernière, de faire un petit crochet. Exact. Donc, on enchaîne derrière avec Bukowski en Main Stage 2, The Walking Dead Orchestra sous Altar, et Son of Otis sous la Vallée. Je te laisse parler en premier, parce que je... Alors, on a un point d'interrogation sur Bukowski. Carrément. Et il y a un entourage de The Walking Dead Orchestra. Ah bon ? Pourquoi donc ? Parce que Walking Dead Orchestra... Non, parce que déjà, bah, Cocorico aussi. Bah, Bukowski aussi, je sais, ouais. Mais je sais pas, justement, il y a un point d'interrogation sur Bukowski. Alors, merde, on ne sait pas, c'est d'accord, tout. D'accord, voilà. Je suis surpris, je pensais pas que tu... The Walking Dead Orchestra... Ah ben, bah, ça peut réveiller dès le matin. Bah, fallait quand même 11h40. Oui, et bah, c'est le matin. Tout à fait. Bah, moi, ça sera Bukowski. Voilà. Oui. Avec aucune autre variation. Ligne d'après, donc on est sur un midi 15, Main Stage 1 Toesland, Temple Darkenhold et Warzone Spermburn. Et ben, pas Toesland, Spermburn, je me souviens plus, mais c'est la Warzone, donc c'est la bagarre. C'est du punk rock. Ah, c'est du punk. Oui, ben. Bah, pas forcément, ça peut être du hardcore ou du hip hop. C'est bagarre un peu. Et Darkenhold, de souvenir, c'est un groupe où j'avais trouvé très très peu de choses et que j'avais pas kiffé ma race. Donc ça sera plutôt la Warzone avec Spermburn. À première vue. Pareillement. Très très bien. Aucune variation. Non, Spermburn a été entouré et basta. Très bien. Nous passons à la suite. Tesseract à 12h50 face à Misanthrope 12h50 face à Dovthrone sous la vallée à 12h50. Dovthrone. Dovthrone aussi. Pourtant, sous la vallée, Dovthrone. Ouais. Bah, non, mais il passe des choses bizarres sous la vallée. Ils sont open. Hein. Mais ça fait un moment hein, déjà. Ouais, que... ouais, ouais, ouais, non, mais c'est bien, c'est la bonne scène ça. C'est la plus variable avec les main stage en fait. Donc pas de Tesseract ? Non. Sûr ? Je réécouterai, mais je pense pas. Bah non, non, non, c'est, tu t'en souviens. Je crois pas. Que non, j'ai écouté en ouais. plus. Bah oui. Ensuite, The Chrysalide Timeline à 13h45 sur la main stage 1 face à Shamash. Sous le Temple et Hardzone sous la Warzone. Donc Chrysalide, pour ma part, c'est non. Shamash, j'avais bien aimé. Je me souviens avoir bien aimé ce que j'avais entendu, mais c'est, comme c'est vraiment beaucoup d'ambiance et tout ça, bah, j'irai jeter un coup d'œil. Et Hardzone, je ne me souviens pas trop, j'ai un doute. Donc dans mon souvenir, je crois que c'était un groupe australien. Ouais. Et donc du punk à roulette, mais pas tant à roulette que ça, un peu moins à roulette que les punk à roulette classiques. D'accord. Donc je serai plus sur Shamash, mais je mets un petit possible sur Arden. Point d'interrogation Arden, voilà. Donc. Bah pareil. Shamash. Non, Arden. Point d'interrogation. J'ai rien là. Donc moi ce sera apéro. Ah oui. Ah, moi, c'est Peut-être je viendrai avec mon verre d'apéro voir Hardzone. Je ne sais pas. D'accord. Hardons. Oui, en plus. Hardon. S'enchaîne avec Son of Apollo à 14h20 face à Benicted et Céleste. Je te laisse parler. Bah, là, du coup, pour ma part, j'ai entouré Benicted. Mm-hmm. Tes petits chouchous serais... un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu mon petit... C'est vrai que j'y tiens, mon petit Benicted. Bah, je sais. Étrangement. Un petit groupe français. Pas un petit groupe, un groupe français. Et, mais il y a Céleste en face. Et c'est bien eux qui avaient fait une interview la dernière fois. Ouais. Ouais. Qui disaient qu'ils étaient vachement scéniques. Ouais, vachement visuels. Et du coup, ils sont sous la vallée. Ça fait beaucoup de points. Et du coup, je pense que je vais faire Benicted et Céleste. Mais je crois que Céleste, t'avais pas du tout aimé. Hein. Non, mais par curiosité, parce qu'ils disent qu'ils sont plus scéniques. Et moi, j'adorerais voir un truc... Scénique. Un truc scénique. Et Son of Apollo, alors ? C'est moi ? Sons of Apollo... attends, Sons of Apollo. Où c'est que t'as vu ça ? Bah, ah ouais, non, bah non, bah tant pis. Oui, je les verrai une prochaine fois. Non, mais moi non plus. Ou pas ? Eh ben, je suis un peu comme toi. Par contre, je ne saurais pas trop dans quel ordre commencer. Est-ce que je vais d'abord jeter un œil sur Céleste pour voir le visuel et me barrer vite fait pour aller voir Benicted ? Mais je pense être un peu comme toi. Mais je pense que je vais faire ça, moi. Je ferai un mix-me. Ouais. Ensuite, Rose Tattoo en main stage 1 face à Nordjevel sous la Temple et 7-8 sur la Warzone. Donc, pour ma part, comme j'aime à le dire, ce sera 7-8. Sans aucune autre alternative. Nous avons entouré Rose Tattoo et un point d'interrogation sur 7-8. Donc du coup, je pense que si je finis par Benicted à 15h, je serai assez proche de la Warzone. Donc j'irai plus facilement voir 7-8. Bon, techniquement, t'es pas loin des Mainstead non plus. Hein. Bah, t'es plus près de la Warzone en étant à l'altar. Hein. Bah, non. La Warzone, la Warzone, faut que tu retraverses tout et que t'y ailles. Alors que les Mainstead, elles sont plus près des Mainstage que de la Warzone. Ah, on demandera à des gens sur place de mesurer les pas. C'est vrai que tu m'écoutes pas non plus. Pourquoi ? Parce que je viens de dire qu'on était plus près de la Mainstage. Ah, mais t'as repris ce que t'as dit alors. Voilà. D'accord. Excuse-moi. On est peut-être à taille équivalente, je ne sais pas, mais je préfère aller traverser The Kingdom of Muscadet. C'est ça, d'accord. Mais donc, la fraîcheur du matin. Peut-être un peu plus Rose Tattoo alors. Je sais pas, non, mais j'ai trouvé ça sympa Rose Tattoo. Bah je te l'avais dit, toi, t'avais... donc en fait tu t'étais bien trompé toi, sur Rose Tattoo. Parce que quand j'avais tiré au sort, t'avais dit ah pas de chance, et après quand j'en avais parlé, t'as dit ouais. Ah oui, non, j'avais confondu avec un autre groupe. Voilà. Mm. Non, c'est sympa, c'est hyper rock. C'est rock'n'roll quoi. Ah, c'est rock'n'roll. Ouais. Donc je ne sais pas encore. Ah non, mais moi je vais voir 7-8, hein, j'avais trop aimé leur. Ah ouais. Non, bah c'est... vas-y. C'est punk à roulette de punk à roulette. Hein. Bah vas-y. Puis c'est la France. Bah ouais. C'est quoi, c'est Angers ? Oui. C'est un groupe Danger. Peut-être. Danger comme Danger. Danger. Danger. Non. Danger. Danger. 16h, l'heure de Converge en Main Stage 2 Origine sous Altar et Bongzia sous la vallée. Donc pas Bongzia. Origine. Non plus. Non plus. Ce sera Converge. Bah, Converge ou manger, hein. Peut-être parce qu'on n'a pas mangé. 16 heures, encore. Bah, de toute façon, tu fais que de bouffer, toi. Donc, ce sera quasiment à toutes les heures. Toi. Alors, dès que tu feras Warzone Main Stage, de toute façon. Il y a possibilité d'un snack dans le coin, je ne te le cache pas. Mais ouais, mais en fait, Converge, j'aime pas forcément assez. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plein de groupes à la Warzone. Pas pour bouffer. Bah ouais. Non, ils vendent pas assez au niveau bouffe, alors du coup les mecs ils se sont dit on va les faire passer par là, on va les faire passer par là. Bah surtout que maintenant, en plus en haut de la Warzone, maintenant t'as un mini quartier de la bouffe. Bah ouais, ouais carrément. Bah le fameux. Bah fameux, oui. Le fameux bœuf patate là. Ouais, surtout. Et du coup tu t'es pas demandé, tiens, en fait pourquoi il a tous les groupes de Warzone? Bah oui. C'est pour ça. Non mais Converge, le problème c'est que. Et en même temps. Ouais, mais. C'est la Warzone. Non, mais en fait, le problème de Converge, c'est que j'aime pas forcément assez pour avoir envie. D'aller les voir à... Non, c'est pas ça, d'avoir envie de les voir en main stage. Bah, au pire, tu te fais un bugle. Non, c'est ça, comment on dit. Si, c'est ça. De quoi? Les petits pains ronds avec un trou au milieu. Ouais. Bah, je me trompe pas. Et ça. Puis tu vas voir Converge. Ouais, non, bah, je peux faire ça, ouais. Ou Origine, s'il y a un truc visuel. Il y a peut-être un truc visuel avec Origine. Hein. Peut-être. Donc, ça. De ton côté, toi? Bah, je sais pas encore. Ah, on trouve avec Converge parce que voilà, mais je pense qu'on a mis Bongzilla, mais c'est barré. Pourquoi vous avez mis. Ah, parce que je sais pas qui vous a appris de mettre ça. Bongzilla ? Ouais. Non, mais que dalle en fait. Ouais, non, c'est pas possible. C'est des conneries. C'est vraiment un des trucs, des groupes dont je suis le plus sûr de pas du tout vouloir le voir. Hein. Pareillement. Je suis vraiment pas fan de. C'est trop lourd pour moi. Ah, et du coup. C'est trop défoncé, ouais. Ouais. Non, bah on entourait Converge, mais après, voilà. Y a on ne sait pas, on ne sait pas encore. D'accord. Ça, bah, on n'est pas sûr. Ça se trouve, ça peut être l'heure de manger, tu vois. Voilà. Ou d'apéro. Mais ça fait et loin bah, pour les là. Deux. Ensuite, 17h, enfin 16h45, Joan Jett en Main Stage 1, Saor en... Merde, j'ai enlevé la scène, donc c'est la Temple. Et sous la Warzone, Burning Head. Sous la Warzone, super. Donc, ça sera Saor pour moi, parce que bon, j'aime voyager. C'est ça. Ah, et que franchement, j'ai trop kiffé ce que j'ai écouté, même si j'y crois pas du tout en live, mais quand même, voilà. Je... Ouais. Et puis, je vais pas aller voir Burning Egg parce que, hein. Voilà, c'est ça. Et puis, Joan Jett, bah non, merci. Bah, ouais, moi là, tu vois, vraiment, ça va être compliqué. Hein. Je pense que je vais passer des moments. Seul. Ouais, esselé. Seul. Et beaucoup de solitude. Tout après, ça. Tu peux dire que Joan Jett, tu la reverras pas, donc ça peut être l'occasion. Pourquoi? Elle est malade? Non! Non, mais déjà, c'est la, elle a que deux dates en Europe, celle-là et une autre en Espagne. Donc, Bah, Joan Jett, je suis pas. Voilà, j'écoute Nostalgie le matin, mais pas à ce point-là, quoi. Ben, viens voir ça au Record. Ah, après, peut-être par curiosité, il sera à 17h. Ah, il y aura plein de monde. Je sais pas. On n'a rien mis. Si, Burning Heads, mais Burning Heads, je les ai déjà vus. Ça m'a le pas, raga, là. Ça m'a. Non, c'est de la dub. C'est pas du varga. Appelle ça comme tu veux, c'est la même merde. Après, non, je suis pas. J'ai pas de l'Arien encore. Bon, on passe à la suite. J'attends après, moi. 17h40, Meshuggah en Main Stage 2, Demolition Hammer, Altar, et Crowbar sous la vallée. Je te laisse. Non, tu te trompes, c'est Church of Misery. Ah non, ils ont échangé. Crowbar. Ah oui, oui. Ah bah voilà. Bah, c'est parfait ça. Bah, moi j'ai la dernière. Oh bah, c'est parfait ça. Là, c'est Crowbar. Bah, c'est parfait, Crowbar en même temps que Meshuggah. Bah, non. Parce que Crowbar, je les ai déjà vus. Et Meshuggah, je les ai jamais vus. Donc Meshuggah. En main stage. Ouais. Bah, je pense aussi. Moi, j'avais un petit doute avec Demolition Hammer. Et je ne m'en souviens pas assez pour avoir envie d'aller réécouter. Bon, je jetterai une oreille, mais je pense que j'allais voir Meshuggah. Parce que justement, je l'ai jamais vu non plus. Donc on enchaîne après avec 18h35, Europe, Main Stage 1, Mysticum, alors ça on n'en parle pas, et Uncommon Man from Mars, sous la Warzone. Donc entre les deux. Uncommon Man from Mars. Pareil, c'est cramé. C'est... Et puis je suis très content en plus là pour le coup. Après, je t'avoue, ce qu'on a entendu d'Europe récemment n'était pas si mal. Non, mais ce sera Uncommon Man from Mars. Je les ai déjà vus il y a longtemps avant qu'ils se séparent. Oui, mais allez les revoir. Et Mysticom alors. Yeah, vous vous souvenez de moi. Et Mysticom, tu leur laisses pas une chance. Que dalle. C'est pas très sympa. Ouais, je sais, je suis pas le mec à être sympa, moi, dans la attention, vie. Attention, 19h40, Steven Wilson face à Carnivore ID ou Church of Misery. Oh là là. Ah là, ça va être complicated. Ah bah là. Ah là là, je ne sais pas. J'hésite. Peut-être que je vais me tâter un petit peu et je vais me dire, Steven Wilson, quand même. Il a su te surprendre sur un album. Je vais pas le voir et je vais plutôt aller me taper un petit Church of Misery sans problème. As-tu réécouté ? Tu m'as dit que tu avais réécouté alors. De quoi ? Church of Misery. Ah ouais, non, mais c'est clair. Je vais aller c'est voir. Bien, hein ? Ah bah carrément. Et tu sens le côté japonais ? Pas du tout. Voilà, merci. C'est ce que je voulais entendre. Ah ! Donc là, on arrive sur un souci. Hollywood Vampire, hein. Main Stage 1 face à Sol Staphire et Zwinkels. Donc, pour ma part, je pense aller voir Sol Staphire que j'ai beaucoup aimé. Toi-même, tu sais, je t'en avais parlé. Ouais. Et j'aurais bien aimé quand même jeter un œil à Zwinkels, donc je ne sais pas. Ça va dépendre du concert de Sol Staphire, mais c'est... Moi, je écoute, moi, tu sais, je vais aller réécouter Sol Staphire parce que là, du coup... T'as un blanc. Ouais. Tu te souviens quand même, la chanson qui avait duré... Je peux les bouffer. La chanson qui avait duré extrêmement longtemps. Je t'avais fait envoyer, écouter, j'écoute, tu vois. Sol Staphire. Ouais. Je sais pas, je me rappelle pas. Ah. Bah, en tout cas, moi, j'avais bien aimé. Donc, toi, pour l'instant, c'est... Bah, Sol Staphire, hein, du coup. Zwinkels, non, c'est... Ou alors, peut-être, aller jeter un œil, comme... Voilà, juste voilà. Par curiosité, ah bah, voir ce que ça donne sur la Warzone. En tant que média, t'as le droit. Hein. T'es excusé direct. Ouais, j'ai vraiment renseigné. Bien sûr. Personne peut te juger. Donc là, on va arriver à des horaires un petit peu décalés, donc ça va être un petit peu le bordel. Donc avant la fin d'Hollywood Vampire, Suffocation commence sous Altar et I Had God sous la vallée. Non et non, toi attends, Suffocation et I Had God. Ouais. Bah, je sais pas. J'en sais rien. Là, je j'ai rien. Bah non, moi c'est non et non en direct, mais pas. Sur leurs deux concerts va commencer celui de Stone Sour. Je jetterai peut-être un œil de loin, ou alors faudrait que je sois bien placé, faudrait que les étoiles soient bien alignées pour que je dise tiens, j'écouterai bien Stone Sour. Mais j'ai pas spécialement envie, mais je suis pas contre. Ouais, moi pareil. Ensuite, Therion, Bad Religion, donc on est sur un 22h55, donc Therion sous la Temple et Bad Religion sur la Warzone. Bad Religion. Bad Religion. Il en va de même. Sur ce concert va commencer Judas Priest en Main Stage 1, qui sera sans moi. Le départ sera sans moi parce que je serai encore sur Bad Religion, je pense. Mmh. Vous de même ? Ouais, complètement. Ensuite, donc sur la moitié du concert de Judas Priest va commencer Napalm Death sous Altar et Corrosion of Conformity sous la vallée. Je pense qu'on va se retrouver sous la vallée tous les deux. Bah là, j'ai eu un petit dilemme aussi. Ah, t'as eu un petit dilemme ? Ouais, j'ai déjà vu Corrosion of Conformity, qui était excellent sur scène. Mm-hmm. J'ai adoré. Et Napalm Death, je ne les ai jamais vus. Et, du coup, bah voilà. Mais je pense que je vais quand même finir par voir Corrosion of Conformity. Je t'avoue que j'ai vu ni l'un ni l'autre. Mais autant je respecte Napalm Death, autant ça m'a pas... Tu sais, j'ai pas le truc qui me disent ok, je vais venir voir, alors que Corrosion of Conformity, chaque fois que j'écoute, je fais putain, c'était bien quoi. Je pense que je quitterai Bad Religion assez tôt pour me retrouver bien placé quand même pour Corrosion of Conformity. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'être dehors quand même. Mais à gauche, c'est bon ? Ouais, mais j'ai fait pas mal de concerts devant, sous la vallée, et franchement, c'est super appréciable. D'accord. Ouais. Et on arrive à la dernière ligne pour ce vendredi soir. A Perfect Circle en Main Stage 2, Satyricon sous la Temple et Rise Again sous la Warzone. Donc là, je vais te laisser parler en premier parce que tu m'as dit que tu avais réécouté Rise Again. Et pour ma part, je ne suis pas fan de Perfect Circle. Ouais. Et Satyricon, non. Donc pour ma part, ce sera Rise Again. Tu as bien aimé ce que tu as écouté ? Parce que ça reste quand même ça assez... Ça passe. Voilà. Ça passe. C'est voilà. Gentillé, ça passe. C'est pas... voilà. Mais je pense que je finirai sur The Rise Against ou je ne sais pas, j'en sais rien. Je pense... Peut-être aller jeter un coup d'œil à Perfect Circle, voir ce que ça donne sur scène aussi. Ouais, moi, si le cœur m'en dit. Je pense faire un mix un peu des deux aussi parce que le dernier concert que j'ai vu de Perfect Circle qui est en tête d'affiche de Deftone, c'était l'inverse. En tout cas, j'avais adoré, puis j'aime bien le groupe. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est en main stage et que bah, ça va... Pourquoi être... Astorla ça va être blindé de monde. Ouais. Ça va pas genre cette vidée d'un coup. Et puis Rise Again, bah, je veux les voir parce que je voulais déjà les voir avant qu'ils annulent en 2015, 2016, 2016, je crois. Ouais. Voilà. Donc voilà à peu près pour bah, cette première journée. Ouais. Voilà les groupes sur lesquels, bah, bien sûr, pas les moindres. Bien sûr, on se tiendra à disposition de tous les gens qui veulent une petite dédicace, un check ou nous payer des bières. Voilà. Vous ah, pourrez ouais. nous reconnaître, on aura normalement des t-shirts à notre effigie. À notre effigie. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à scander nos noms. Voilà. Si on entend Bob ou Jacques, on répondra. Voilà. Voire même Road to Hellfest. Voire même Zach. Même Zach, surtout. D'ailleurs, oui, on recherche un Zach depuis quelques années. Donc, n'hésitez pas. Et pour la semaine prochaine, on va écouter donc, le dernier groupe qui nous reste, c'est-à-dire Tombe, je crois. C'est ça. Et on fera un retour donc, sur le Metal Corner et le Camping. Voilà. Ainsi qu'également sur bah, la deuxième journée, le Running Order de la deuxième journée. Voilà. Et puis bah, moi, j'essaierai de revenir sur l'album d'Amorphis et puis sur d'autres nouveautés qu'on aura mis en place durant la semaine. Oui, car, parce que là, on a quand même un peu plus de temps, normalement. Voilà. Moi, j'irai écouter les groupes aussi qui sont sur la LCT Square. Oui, bah, ça aussi, il faudrait que j'aille faire ça, moi, pour... et puis bah donc voilà, et ça fait déjà qui passe aussi sous le Metal Corner. Tout à fait. On a un beau petit paquet quand même. Donc ça fait 1h40 de podcast, ce qui est quand même ce qui est une bonne moyenne. Assez surprenant. C'est notre moyenne. Voilà, vu avec quoi on est parti, je pense que c'est assez fort. C'est très bien. Donc du coup, on va arrêter là. On vous souhaite à tous une bonne fin d'écoute. Je sais pas. Ouais. Allez tous vous faire foutre. Ouais, mais gentiment. Voilà, c'est simple. Et puis bah à la semaine prochaine. Bah ouais. Qu'est-ce on que vous penses, embrasse. Non, et on vous embrasse, ça marche pas. On vous embête. Et on vous enquiquine. On vous catapulte et on. Vous mange. Non, bah non, bah non. Non bah non. Non. Non. Bon bah alors on vous aime. Et on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine non, parce bah, qu'on vous aime. Bah faut faire l'inverse alors. Faut dire. Ah, faut vraiment que tu commences par l'inverse. C'est toi emmerde. Le mec qui est vulgaire dans le podcast. Voilà. Bah, bah, bah. C'est moi le punk. Punk à chien. Comme tu veux réveiller le punk qui est en moi. C'est à qui que j'en parlais de ça la dernière fois. Je dis ouais, non mais Bob, c'est un punk à chien. C'est pour ça qu'il aime ça. Je sais plus à qui je dis ça. À ta coloc. Non, non, non, ça devait être un. À Jo. Non. À Julien. Non, peut-être à Julien. Ouais, ben bah voilà, super. Non, c'est important qu'il ait une bonne image de toi. Ben bah, voilà. Il y va, lui. Oui, oui, oui. Ah, il y va. Ouais. Mais il sera sur le camping normal. Ah, donc, ce qui veut dire le jeune qu'on pourra aller lui taxer de l'alcool. Il m'a fait rire, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, j'ai rechargé ma casse-lait, j'ai mis 30 euros dessus. Ouh là là, c'est un déglingo, lui. Attends, si, il m'a même fait rire aussi parce qu'il est marqué dans son running order. Il avait fait un truc, genre, il irait au Leclerc le samedi, peut-être dans l'après-midi. Je lui dis, bah non, Leclerc, tu vas le jeudi quand t'arrives, ça sert à rien. Ah bah oui. Ça a rien d'attendu. Tu fais la razzia, ou alors il faut être plusieurs, vraiment, et non, très arsouille. Mais c'est bon, il s'est repris, il a dit oui, c'est vrai qu'effectivement, le jeudi, s'il n'y a rien à faire, autant aller à Leclerc. Ben voilà. Voilà. Donc, Julien, toi-même, tu sais le nombre de bières que tu nous dois. Et oh là as-tu vu Nico ce qu'il a marqué? Non. T'as pas vu? Non. Il a marqué quand j'ai mis Zwinkels, il a dit je suis très content de voir les Zwinkels. Oui, tout à fait, j'ai vu ça. Et qu'est-ce que j'ai répondu, t'as vu? Je m'en rappelle pas. Bah, j'ai dit qu'en gros, eh ben, on ne t'en veut pas, mais ça fera une bière de plus à nous offrir. Oui, c'est vrai, exact. Ouais, parce qu'on ne peut pas déconner quand même. C'est clair. Non, non, bah, déjà, on saura où le trouver. Ah bah là. Et maintenant, bon. On sait à quoi il ressemble. Et puis on va le trouver. Alors là, ah bah, c'est clair. Si y a des bières gratos, je veux dire. Ah bah, carrément. Mais là, Nico, tu sais bien que tu nous en dois pour plein de raisons. Ne cherche pas. Tu nous et en puis dois. Bah pas nous du coup. Ah non, nous on est safe. Parce que nous, ouais c'est ça, on est safe total. Hein, On va faire un ratio de tout ce contenu qu'on t'a donné pendant ces... Bah tu feras un panier garni. Ouais. Moi je vais prendre une petite terrine de campagne avec. Ah oh, c'est sympa hein, ça. Avec un petit pain. Ou des croutons. À l'ail. Ah. Oh je kiffe les croutons à l'ail. Pour bien puer de la gueule. D'accord. Moi j'aime bien les bananes ou... Ou les oranges. Ah oh ouais, des fruits secs. Ah, des amandes. Des amandes. Des amandes. Ou des galettes de riz. Ah oh ouais, nous on est très très fans de galettes de riz. Ah ouais. On n'était pas fans au début. Non, mais on s'y est fait. Mais Jack il est arrivé, il dit tiens, goûte ça. Attends, tu vois, attends, c'est génial. Eh, je devais dire un truc que j'ai complètement oublié d'en parler. Eh ben justement, tu vas le dire. Alors, sur la page d'Amazon, il y a un concours pour gagner 2 places pour le download. Ouais. D'accord. Donc en fait, je sais pas, faut être abonné premium. Enfin, je sais pas. En tout cas, ils disent qu'il faut s'abonner à Amazon Unlimited, qui est leur service de musique en ligne. Ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est un abonnement. En fait, tu as 30 jours d'essai, puis t'arrêtes avant la fin des 30 jours si tu veux ou pas. Ouais. Et en fait, c'est ça que je t'ai fait écouter hors podcast, et où tu as vu que la qualité était mieux que Spotify. Ouais. Voilà. Donc c'est assez. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Ouais. Donc je suis en test là du service pour voir si finalement je n'irai pas migrer vers l'un ou vers l'autre. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une assez bonne surprise. Il y a, de ce que j'ai vu en quelques recherches, il n'y a pas tout. C'est moins branché métal que Spotify, ouais. Forcément. Par contre, ça marche plutôt bien. En plus, ce qui est vraiment agréable, c'est que tu sais que quand on achète un CD sur Amazon, les 75% du temps, tu as une copie MP3. D'accord. Et du coup, bah, tu les as directement dans ton application Amazon. C'est cool. Ouais. Donc, par exemple, le dernier album d'Ed Charger, le dernier album de Ghost, donc avant celui qui va sortir, je l'ai aussi. Donc, tu as les albums, le dernier Metallica aussi, je crois. Mmh. Donc, tu as tout. C'est bien, ça. C'est vrai. C'est pas mal. T'as un album RIP qui est fourni avec. Quoi. D'accord. Donc, c'est plutôt cool, en fait. Ouais, carrément. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne suis pas en train de dire « allez tous là-bas ». Allez participer au concours si vous voulez. Moi, je l'ai fait pour participer pour la blague. Mais du coup, j'étais vachement plus surpris par l'application que je m'y attendais, en fait. Surtout en termes de qualité, elle est vraiment... Ouais, il y a une nette différence, quand même. C'est un peu plus impressionnant, quoi. Donc, voilà. C'est un peu con d'attendre 1 minute 45 pour parler de ça. C'est vrai. Mais voilà. Bon, en tout cas... On vous aime. Et on vous emmerde. Et à la semaine prochaine. Au revoir.